DKL, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr. Putain, je suis en galère pour les cadeaux de Noël. Ah, de quoi, le délire du tirage au sort là? Bah oui, quelle idée à la con d'avoir tiré un nom d'un mec de l'équipe pour lui faire un cadeau de Noël. Tu dois offrir à qui? Bah Pedro des Mexicains, mais bon, 20€, je sais pas quoi lui prendre. Ah c'est sûr, moi je suis tombé sur Toff, alors du coup je me suis renseigné hein, sur les tarifs du bois de Boulogne. Ah, et alors? Bah j'ai montré une photo de Toff et du coup pour 20€, bah elle accepte de lui faire la conversation pendant 5 minutes. Si Jack Bauer devait écouter une seule émission de radio pendant 24 heures alors qu'il sauve 3 fois le monde, 2 fois sa fille et tout ça sans pisser, ni manger, ni dormir, il n'y a pas de doute, ce serait celle de Michael et sa bande de terroristes. Michael, 21h minuit, bien plus improbable qu'une journée de Jack Bauer. Ah, c'est dur. C'est bonsoir le mot que tu cherches. Ouais, non, ça ira, ça ira. Bonsoir, j'ai un peu plus de voix. Bonsoir. Non, mais c'est bien la preuve que ça va mieux parce que la voix est approximativement revenue. Mais la maladie arrive. Approximativement, non, alors, par rapport à vendredi, par j'ai toute elle la part voix. Quand même, la voix hein. Non, par rapport à vendredi. Oui, oui mais d'accord. Par rapport à la normale. Bon, par rapport à la normale. C'est ce que je dis, approximativement. De temps en temps, ta voix s'en va. Ouais, je sais, ouais. Mais t'as déjà dit mille fois d'arrêter de fumer, Mike. Arrête, j'ai jamais fumé de ma vie. Arrête de m'emmerder avec ça. C'est ça, ouais. Si t'as plus de voix, va falloir penser à faire un autre métier. Animateur radio, ça va plus être possible. Ça va aller. Par contre, je vois que tu as un petit peu de morve au coin des lèvres. Non, pas du tout. Alors, je vous explique. Alors, ça, c'est tellement je suis claqué. J'ai eu ça deux fois dans ma vie. Qu'est-ce que t'as fait ce week-end pour avoir de l'RPS? Rien, je n'ai pas dormi, donc ça veut dire que si tu veux, t'as ça quand tu dors pas assez. Quand tu manges du saucisson, t'as ça. Non, quand tu dors pas assez en fait, et donc c'est la deuxième fois de ma vie. Et comme je croyais au début que c'était un bouton, tu sais, pas d'acné, mais tu sais, avec un poids blanc, du coup j'ai essayé de gratter tout le bordel. Alors ça nous a fait un drame. Je sais pas lequel d'entre vous. C'est énorme. Il y en a un ici qui a une merde sur le visage parce que j'ai poussé vendredi et samedi juste à l'endroit où tu fais la bise là, tu vois. Et que d'un côté donc. Bah ça c'est tough. Bien sûr, bah oui, c'est, mais putain, ça, ouais. Je vous en veux. Ouais, moi bon. Il devait me rester 2-3 restes au coin des lèvres, je suis désolé. Bon, je vais des restes de quoi? Ah ça. Ah, ça c'est un autre problème. Bon allez, je vais y arriver, on va faire comme si de rien n'était. Hop hop hop, le jingle fait comme si on le terminait. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon allez, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end. Bon bah ma voix comme on l'avait dit ne va pas mieux. Hein. Pourquoi tu postules pas au BTP, c'est dans les bâtiments? Ça, tu changes de métier? Ça, c'est drôle. Bah, je sais pas, ouais. Tu peux faire vendeur d'iPhone aussi. Ouais, bah oui, bien sûr, évidemment. C'est un peu drôle. Ce qu'il fait déjà, quoi. C'est-à-dire qu'il est vendeur chez Darty toute la journée, puis le soir, pour le kiff, il vient faire de la radio. Ça, moquez-vous. Profitez que j'ai pas la force pour vous crier dessus, là. Bon, j'imagine que les fans de foot ont passé un bon week-end. Eh oui. Victoire du Paris Saint-Germain. Victoire du Barça. Oui, le PSG s'est coupé en 4 pour gagner le match contre Auxerre. C'est horrible. C'est vrai que surtout le gardien qui s'est fracturé la cheville. Ouais, bon, on en parlera de foot tout à l'heure, de toute façon, vous inquiétez pas. Et puis on parlera People aussi ce soir, comme d'habitude. Avec... Ouais, bah tiens, justement, Rihanna. Voilà, elle a fait parler d'elle. La musique en dessous. Ouais, en fait, elle a dit dans une interview que le sexe lui manquait pas du tout depuis qu'elle avait cassé avec Chris Brown. En fait, elle est restée célibataire. Donc elle se soulage toute seule. Elle se touche. C'est elle qui l'a dit. Hein. Elle a bien raison. Et puis en parlant de Chris Brown, il y a un délire avec un DJ là aussi. Ouais, c'est énorme. C'est drôle ça. En fait, elle était dans une boîte, c'était aux États-Unis, je crois, et en fait, le DJ il a vu qu'elle était là, du coup, juste pour voir sa réaction, il a balancé un Chris Brown. Et alors, elle a réagi comment? Bah, elle s'est barrée. Ah, bah, très bien. Bon, on parlera aussi tout à l'heure, puisqu'on est dans les personnes physiquement belles. Ah, tu vas parler de moi peut-être? Non, de Pete Doherty. Ah, oui, Très très beau. Bon, on vous parlera donc aussi d'un supermarché de l'amour, hein. Peut-être que Rihanna devrait y aller pour faire ses courses. Et puis, on jouera DJ Hero aussi ce soir avec des compilations. Des bootlegs du jeu qu'on vous file. Et puis on en profitera aussi pour vous donner des idées cadeaux pour Noël aussi à base de DJ Hero. Voilà. Bon, avant ça, on va faire un tour du côté du répondeur avec les messages que vous nous avez laissés au 01 40 71 3400, le plus original qui repart avec un cadeau. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Bonjour Sandro, c'est le petit KitKat. Viens, mange-moi. Non, Sandro, je suis au régime. Non, ne le mange pas. Non. Fin du message. Message suivant. Ouais, c'est l'équipe, c'est parce que Geneviève de Fontaine, elle a dit pour que j'arrête, il faut mettre de la morora dans mon café. Alors bon, Michael, je sais que t'as le bras long. Elle met combien de sucre dans son café, Geneviève? Fin du message. Message suivant. Donc moi, je voulais réagir en fait par rapport à Brice Hortefeu. Qui commence vraiment, mais vraiment à faire chier tous les immigrés. Et donc j'ai imaginé une petite blague et voilà, je vous l'ai dit. Vous savez c'est quoi la différence entre une star du porno et un immigré en France? La star du porno, elle se fait au cul. et les immigrés, ils ont le hortefeu au cul. Fin du message. Message suivant. Bonjour, l'équipe Tel un choc, et je suis en prix des articles sur le point de faire la découverte de l'Amérique. Enfin, bref, je voulais vous avouer que votre émission est en train de dépérir, telles les roses de l'Antarctique. Mais oui, malheureusement, depuis que j'écoute un certain temps, l'émission est en train de faire des ravages sur Terre, telle la grippe en Chine. Enfin bon, ça rigole. Fin des nouveaux messages. Alors, le dernier on n'a rien compris, ouais. Je pense. Enfin. Ouais. Le dernier était beau. Le dernier était particulier. C'était la prophétie, c'est comme dans 2012, le mec il vient t'annoncer des trucs et tu comprends pas. Bah, c'est bien celui sur Geneviève. C'est vrai qu'il avait le côté un peu original, effectivement. Ouais. Bon, ouais, on fait gagner celui-là, Micha. M'oblige pas à crier ce soir, je t'en supplie. Très bien, tu disais quoi? Je disais, on va faire gagner celui qui parle de Geneviève de Fontenay. Bah, c'était vers la fin, le début. Au milieu, c'est incroyable ça. Bon, et puis là, il y a. Qu'est-ce qui est là? Il y a Carole qui est là. Bonsoir, Carole. Bonsoir Mickaël, bonsoir l'équipe. Salut. Comment salut, ça Carole. Va Ça va bien, un peu fraîchement, mais ça va bien quoi. Oui, oh bah écoute. Tu veux que je te réchauffe? Oui. Oh là là. Combien mesures-tu? Ça y est, ça faisait longtemps. Ah, tu poses une question, faut prendre le risque quand tu dis ah, oui. Hein. Voilà. Ah bah écoute, pas de problème. Combien mesures-tu? 1m70. Combien pèses-tu? 60, un peu moins de 60. Parfait. Quel est ton tour de poitrine? 95C. Et la taille du pantalon que tu as acheté? 38. Mais je peux venir te réchauffer. Je viens te réchauffer maintenant si tu veux. Oui, je pars tout de suite. C'est la première fois que j'entends une meuf qui donne un poids trop haut en disant un peu moins 2. En général, elle dit 5 ans, un peu plus de 50, même ouais. Si c'est à 59. C'est ça, c'est, ouais, c'est ça. Donc, non, non, c'est vrai, c'est la vérité. Mais Carole, ça pourrait être ton fils, Toff. C'est pas grave. Elle a quel âge, Carole? 35. C'est parfait. Ah ouais, bah très, on va lui apprendre à jouer aux enfants, c'est d'accord. Il a l'âge de Toff quand même. Oui, elle aurait fait 6 ans. Ouais, je sais, mais quoi que. C'est précoce. Quoi que. Qu'est-ce que tu portes pour nous appeler? Oh, on s'en fout, Toff. Ah non, si elle en nuisette, c'est pas pareil que si elle en jeans. En fait, j'ai rien. Voilà. Oui, bah, c'est nous croire qu'il nous appelle à Walpé. Elle caille, elle a froid et tout, mais elle a poil. Ouais, c'est ça, oui. Il fait un peu frais, c'est ça. J'ai un petit courant d'air sur les fesses. Ouais, il fait un peu frais, mais je suis toute nue là, c'est ça, ouais. J'aime avoir froid. Voilà, bon, Carole, tu voulais nous parler d'un truc, comment dire, d'après ce que je vois dans le standard, étrange. Oui, c'est ça. Tu peux mettre la musique de. La musique est mise. J'entendais pas, excuse-moi. Eh bien, ouvre tes oreilles et la place d'ouvrir. Enfin, ah, par contre, j'ai rien dit, mais c'est pas possible d'avoir un esprit aussi mal placé, Roux. Ah oui, mais non. Fais attention à ce que tu dis. Je pensais pas à l'esprit mal placé. Ah bon? Pour moi, t'es au lieu d'ouvrir ta gueule. Ah non, pas du tout, c'est pas par rapport à ça. C'est pas par rapport à ça. Bon, vas-y, Carole, de quoi tu voulais parler au juste? Oui, en fait, je suis allée chez une amie à Reims ce week-end. Ouais. J'ai été hyper interpellée parce que, ben, vous savez, il y a des gens. À la police fédérale. Voilà, des ovnis. Ah, des ovnis. Voilà, c'est ça. Et en fait, tous les gens en parlaient, mais c'était du délire. On parlait que de ça là-bas. Je suis allée boire un pot dans un bar un soir. Tout le monde en parlait, même s'ils n'ont pas vu, tout le monde en parlait. Déjà, c'est toi l'ovni, hein. C'est la seule qui essaie de s'amuser à Reims ce soir. Comment? T'es mauvaise langue, gros. Ah, oh. Tu es déjà allé à Reims? Ouais, je suis déjà allé. Ouais. T'as bien aimé? Ah. Ouais. Alors. Non, t'as pas une amie là-bas, ça va, c'est beau. Ah oui, quand tu connais quelqu'un là-bas, ouais. Ouais, quand tu connais des mecs qui tiennent une cave, je peux t'assurer que c'est vachement oui, bien. Ça va. Voilà, bon après, au-delà de ça, c'est un peu plus compliqué. Bon bref, et donc voilà. Vas-y. Moi, j'ai pas vraiment d'avis sur la question sur les ovnis. Bon voilà, je suis pas fermée, mais j'en ai pas vu. Mais je voulais savoir s'il y avait des gens à l'antenne qui écoutaient Énergie là ce soir, qui pouvaient voir s'ils pouvaient nous raconter, s'ils ont vu, si. Voilà quoi. Apparemment, c'est deux couples, je crois. Ça m'a vraiment laissé, voilà quoi. Ça t'a perturbé. Halluciné que tous les gens en parlent comme ça. D'accord. Vraiment un truc de. Pourquoi ils iraient au-dessus de Reims? Oui, ils sont perdus. Oui, pas forcément à Paris, hein, je dis pas. Mais pourquoi ils iraient à Reims? Ouais, parce que comment? Il y en a qui ont, je sais pas, même pas à Reims quoi. Moi j'ai vu à Reims ce week-end, ils en parlaient partout. Mais je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vu ça, s'ils y croient à fond. Enfin voilà pour nous. D'accord. Donner, mais il y a une théorie. Il y a une théorie que je vais apprendre à Roux. En fait, c'est que les ovnis, enfin les extraterrestres pour venir sur Terre, en fait se repèrent sur la Belgique. Parce qu'en fait c'est. Non, mais c'est véridique. Je m'étonne pas que tu sois belge toi. Parce qu'en fait c'est quoi cette connerie? Non, c'était le cas avant. C'était en fait à cause des autoroutes. Ils sont super éclairés et donc en fait de partout dans le monde, enfin de l'univers, tu vois la non, Belgique. Non, pas de partout dans l'univers, de pas loin au-dessus de la Terre. Attends, apparemment, ce qu'on disait la légende, c'est qu'on voyait depuis la Lune, tu voyais la Grande Muraille de Chine et les autoroutes belges. Sauf c'est que, pas vrai. A priori, les deux sont faux. Voilà. Mais donc la légende veut que donc ils descendraient par là et donc pour venir à Paris, bah faut passer par Reims. Hein. N'importe quoi, ça c'est une belle connerie, je pense. N'importe quoi. C'est maman qui t'a raconté ça quand t'étais petit. C'est des vraies histoires que tu peux trouver sur des sites de mecs qui sont spécialisés dans les ovnis, quoi. Les légendes urbaines belges, putain, ça devrait être pas mal. C'est pas que belge, hein, c'est pas que belge. Et c'est bien parce que tu sais, il faut passer par Reims, donc tu sais, avec sa soucoupe volante, elle prend les péages, tout ça. Elle passe par Luxembourg pour, tu sais, prendre l'essence moins chère. Ils se fait chier à venir à Paris avec les bouchons et tout. Voilà, c'est ça. C'est civilisé, c'est des Red Bull quand ils passent là-bas. En plus. Bon, Carole, reste là, on va en reparler tout à l'heure des extraterrestres. Donc si vous avez des théories, si vous y croyez, si vous en avez vu à Reims ou ailleurs, n'hésitez pas. Donc 0870 42 48, ou alors 612 par SMS, vous débutez votre message par NRJ avec votre numéro de téléphone. Mickaël, le podcast. Bon allez, le moment est venu maintenant. On vous avait promis un petit speak people. Eh ben, j'ai envie de dire, allons-y. Bah ouais, toi aussi t'as compris qu'il fallait du biscuit people dans ton émission. Ouais, alors là, c'est plus du biscuit, c'est carrément du brownie, hein, nous, Nikos, hein, au niveau du people. Hein. Bon, puisqu'on va faire une thématique Pete Doherty. Ouais. Ah bah ça va être bon, ça. Mais quoi ? En plus, il a pas mal de galères en ce moment, le pauvre. Hein. Ouais, c'est alors, le pauvre, voilà quoi. Enfin le pauvre, c'est ça, on va pas le plaindre non plus. Hein. Alors, on va commencer par cette charmante aventure qui lui est arrivée en Allemagne. Alors, en plein concert, Pete Doherty a chanté Deutschland über alles, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Donc il s'agit de la première phrase de l'hymne national allemand. Alors ça n'a rien d'illégal en soi, mais les Allemands ne chantent plus ce premier couplet depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisque ce passage est considéré comme l'hymne nazi avant tout. La violence. Voilà. Mais comment il a pu faire ça ? Je savais pas à mon avis. Du coup, il lui arrivait quoi ? Il s'est fait huer par le public allemand, normal, et puis il s'est fait sortir de la scène par les organisateurs du concert. Concert qui lui était d'ailleurs diffusé en simultané sur la radio publique allemande. Ah, ça fout mal. Vive la propagande. Il est grillé en Allemagne. Ouais, exactement. Un malade. Cela dit, il est peut-être pas grillé, il est peut-être grillé. Merde, putain, je vais y arriver, il est peut-être grillé tout court, puisque de lourds soupçons de meurtre. Pèse sur lui, ça c'est violent par contre. Mais quand je pense qu'on l'a reçu dans l'émission, ce gars. Ouais, c'est vrai. On est des grands malades parfois quand même. Enfin, on a reçu son corps. Hein. Oui, c'est juste vrai, ça. Hein, qu'on a reçu, il était là. C'est ça. Bon, en fait, l'histoire remonte à 2006 où pendant une fête chez Pete Doherty, donc un pote à lui est mort en tombant du balcon. Sauf que la famille de la victime a des doutes. Oui, mais ça peut pas être Pete, il devait être trop torché pour pouvoir pousser un mec par le balcon. Ça c'est pas faux. Enfin, on verra si c'est ce que l'avocat de Pete Doherty dira au tribunal. Enfin, s'il arrive au tribunal, hein, puisque c'est ma troisième info sur Pete Doherty. Vous vous souvenez qu'il avait dû annuler une partie de sa tournée il y a quelques semaines ? Oui, il avait été à l'hôpital d'ailleurs. Voilà, exactement. On nous avait dit qu'il avait eu des petits incidents respiratoires. Alors en fait, il a juste eu un arrêt cardiaque. Oui, moi je prends les paris direct. Je suis sûr qu'il passe pas à juillet 2010. Tu paries quoi ? Allez, vas-y, on fait des paris là. Je parie un repas. Un repas. Parfait. Ouais. Très bien. Je parie d'amis, tiens. Oh non, t'es relou. T'as pas d'amis. Mais si, on est des potes. Non, t'as pas d'amis. Mais si, on fait ça pari d'amis, c'est beaucoup plus classe. Pari de collègues. Voilà. Bon allez, pour finir avec Pete Doherty, donc il va peut-être prêter son image à un dessin animé, écoutez. Pipi cracra, il n'y a pas ça. Je préfère le vomissa dégouliner, je rigole. Pete, tu veux un chewing-gum ? Ah non, maman, tu m'en as déjà donné un tout à l'heure. J'ai dû lécher le trottoir jusqu'à Piccadilly Street pour retrouver mon haleine habituelle. Mamie, qu'est-ce que tu as fait à mes vêtements ? Je les ai lavés, Pete. Mais pourquoi tu as fait ça ? Tu sais que je me sens bien que quand je ressemble à un clochard. Écoute, Pete, tu peux pas être sale tout le temps. Si, et d'ailleurs, je peux pas rester. Je dîne avec une copine. Ah, ça me fait plaisir, mon chou, que tu vois des gens. Tu vas manger où ? Je vais avec Amy Winehouse. On va aller manger notre caca. Il aime pas ça. Je préfère le vomissa dégouliner. Je rigole. Si, c'est ça, putain. Bon. Allez, un deuxième épisode ? Ah oui, c'est vrai, il y a le deuxième. Non. Pipi, il aime pas ça. Je préfère le vomissa dégouliner. Je rigole. Bon appétit, bien sûr. Oh, pauvre Pete. J'ai vu que tu avais eu quelques problèmes cette nuit. Tu as fait caca au lit. Mais non, mamie, c'est mon doudou. Ok, comme tu veux, car aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est ton anniversaire, Pete. Tu as 30 ans. Et pour l'occasion, je t'ai offert un pot de chambre. Comme ça, tu pourras l'utiliser pour tes commissions durant la nuit. Wow, super. Et le matin, ça me fait un chapeau. Regarde, Pete, je t'ai acheté un autre cadeau. Waouh, qu'est-ce que c'est ? C'est une nouvelle seringue ? Non, c'est pour te laver. Se laver ? Ah, mais c'est dégueulasse. Pete, je t'offre du savon, c'est du savon. C'est quoi du savon ? Pete, qu'est-ce que tu veux faire pour ton anniversaire? J'ai invité les frères Gallagher et Amy Winehouse pour manger le gâteau d'anniversaire. Oh. Bravo, tu as cuisiné? Non, on va juste manger mon caca. Oh. Il n'aime pas ça. Je préfère le vomissage des goulines et je rigole. Mais en fait, tu sais, lui, il va pas s'appeler Peter. Il doit s'appeler Pitié. Pitié, ouais. Pipi. Pipi, ouais. Voilà, pipi, ça peut être pas mal. Pipi d'Oerty. Bon, cela dit, ce serait quand même mieux que les Télétubbies, hein, quand même. Ouais, c'est sûr, ouais. Ouais, moi, je dis ça. Bon, et pour finir avec les infos people, on passe à Jennifer Lopez, qui bataille dans tous les sens pour faire en sorte qu'une sextape ne soit pas diffusée sur Internet. Non, en plus, la bonne nouvelle, c'est que la sextape, elle date de genre 96. Donc, en fait, où elle était au top du top, quoi. Elle devait être super bonne dans cette sextape. Ouais, elle devait avoir un gros cul quand même à l'époque. Ouais, non, mais non, ça c'est normal. C'était la signature de Jennifer Lopez. Ouais. Hein. Non, bien bondi dit, et tout. Quand tu mets la petite fessée, ça doit, ouais. Ça doit bien vibrer. Et tout, ça, non, ça ouais. Doit être bien. Bah, malgré que Jennifer Lopez soit au tribunal pour éviter que la sextape d'elle et de son ex justement ne sorte au grand public, il y a des chances que tu finisses quand même par la voir, hein, Tof, puisque son ex propose de déposer la vidéo comme preuve pendant le jugement. Du coup, évidemment, des gens vont la voir et de là, bah, elle peut à tout moment devenir publique très vite. Quoi. Mais ça, c'est sûr qu'il y a un fonctionnaire qui va la récupérer. Qui va la vendre. Et qui va la vendre à un grand magazine. Mais ça, oui. C'est évident. C'est comme le flic qui a pris une photo du corps de Michael Jackson. Tout le monde évidemment. S'attendait à ce qu'on voit jamais ça et pourtant on l'a vu. Bah oui, non, mais c'est clair. Il y a un moment, c'est-à-dire que c'est tentant. Bah oui, à 5 000 euros la photo. Même plus. Oui. Ouais, je pense que c'est plus, hein. Mais bien plus. En tout cas, pour Michael Jackson, t'inquiète pas que c'était bien plus que 5 000 euros. Tu fais ça avec ton iPhone et tout, c'est deux spies. Franchement, même si j'adore Michael, je crois que je l'aurais fait. Bah, c'est logique. Vraie photo de Toff mort. Non, parce qu'il sait que ça se vend pas. Bah déjà, je ramasserais les morceaux. Ouais, je prendrai la photo. Ouais. Ah, parce que t'es sûr qu'il va se faire. Ouais, mais lui. Mis ouais. En pièces. Ah, lui, il va se faire démonter. Lui. À la Dexter. À la Dexter, il va être découpé en morceaux. Il va se faire découper, lui. Chaque meuf vivant, c'est violent, Toff. Alors, mort, je te dis pas le délire. Hein. Ou alors une ex qui va lui découper le sexe. Ouais, c'est ça, mais c'est obligé. Peut-être. Écoute, règle l'amour comme mort, j'aime bien. On prend les paris? Non, tu vas parier là-dessus. En tout cas, c'est dommage. Parce que là, j'aurais bien parié avec toi. Maquille-toi le jour où tu crèves. Tu seras beau. Ah, bah, très bien. Bon, on parlera encore des ovnis tout à l'heure. Si vous avez d'ailleurs votre avis à donner. Qu'est-ce qu'il y a? Non, Jack, il m'a dit une insanité dans le casque. Ah, très bien. À quel sujet? À propos de la mort de Toff que j'avais évoqué. En fait, il a dit que Toff, si jamais on lui coupait le membre, on allait lui mettre derrière et qu'il allait se faire autant enculer, quoi. Ah oui, bah écoute. Ouais, mais en même temps, il kifferait, donc. Oui, c'est ça. Ouais, bah oui. Si c'est pas déjà fait, en plus. Hein. Si c'est pas déjà fait. Je suis pas assez souple, j'ai déjà essayé. Je parlais pas de ton membre. Oh, ah, ton nez est assez grand. Bah oui, le nez est assez grand. Toujours pas assez souple, quand même. Oh, vite fait. Bon, donc on parlera des ovnis encore tout à l'heure. Donc si vous avez des avis à donner là-dessus, n'hésitez pas. 612, débutez par énergie. Et puis vous laissez votre numéro ou alors sur amical.fm. Et donc, alors, il y a pas mal de dossiers, donc au niveau des ovnis. Et il y avait moi qui racontais que vers 18h30, donc samedi 7 novembre, j'étais sur la route entre Château-Thierry et Soissons et j'ai vu un énorme phare dans le ciel qui se rapprochait lentement, trop gros pour un avion de ligne qui aurait été plus haut et impossible pour un petit avion puisqu'il faisait nuit. Alors j'ai pensé que c'était peut-être des baptêmes de l'air car il y avait la fête à Château justement, mais la nuit, pour interrogation forcément, j'ai été très intrigué. Qu'est-ce que j'ai dit? Intrigué. Et quand cette lumière a été plus proche de moi, je n'ai pas distingué de forme d'avion. J'ai appris mardi soir qu'un couple avait distinctement vu un ovni et avait déposé leur témoignage à la gendarmerie de Condé-en-Brie. De Condé-en-Brie. La gendarmerie de Condé. Ouais. C'est pareil. Déjà, moi, je suis l'ovni, je peux te taper scandale chez le mec. Pourquoi? Quand tu me vois, tu vas pas à Condé-en-Brie pour me dire que tu l'as vu. Ça va dans une vraie ville, quoi. Classe, merde. Je dis, à un moment, faut pas déconner. Quoi. Non, mais ça, ils en ont parlé partout, hein, dans les médias. Ah oui, il y a eu plein. Il faut bien que ça arrive un jour. Hein. Et donc, il y a un expert qui s'intéresse depuis plus de 30 ans au phénomène OVNI, donc. Hein, et puis, je cite les dimensions de l'objet sont énormes puisque le témoin estime sa taille à 80 mètres de largeur pour une centaine de mètres de longueur. Ah, j'adore. Alors, c'était bien plus gros qu'un Boeing qui aurait volé à basse altitude. Et d'après ces indications, l'OVNI devait se trouver à 50 ou 60 mètres de hauteur. Juste une précision. Ah oui, c'est pas putain. Reims, c'est quand même la capitale du champagne. Oui. Ouais. Voilà. Donc l'excès de champagne peut provoquer des visions bizarres. Il faut quand même beaucoup d'argent pour se borrer la gueule au champagne. Ah, ça dépend. Ça dépend. En champagne, c'est peut-être moins cher là-bas justement. Ouais, c'est vrai, du crémant, un truc comme ça. Non, mais même en champagne, tu sais, il est là, quoi. Tu vois, il suffit de le prendre. Ouais. Oui, non, je sais pas. Pas te faire, tu vas pas aller dans les vignes te récolter ton champagne. Ah bah il y en a qui faut le faire après. Mais non, mais faut le faire, faut savoir le faire. Ouais. Ça va pas forcément dire que c'est des alcoolos, hein. Non mais non, on rigole. Non mais je te vois arriver. Hein. Oui oui, mais c'est des alcooliques. Non mais il y a les vapeurs. Non mais c'est pas grave. Il y a peut-être les vapeurs qui traînent aussi. Hein. Tu sais, les vapeurs d'alcool, ça monte vite. À non mais attends, c'est pas que à Reims qu'on a vu des ovnis. Enfin depuis la nuit des temps, je veux dire. C'est vrai, on en a vu en Belgique aussi. Mais même partout en France. Oui mais c'est quoi cette histoire en Belgique? Il y a eu un truc aussi. Ah mais en fait en Belgique, je sais pas, ça a duré un an où genre toutes les semaines il y avait quelque part quelqu'un qui voyait un ovni. Et par contre, ça, c'est vraiment la capitale de l'ivresse. Hein. Oui, oui, c'est parti. Forcément, parce que toutes les semaines, il y a des mariages. Hein, donc, forcément, il lâche des lumières dans le ciel. Non, mais par contre, là, il y a eu des vraies observations. Il y a des photos et tout. Si tu cherches sur le net, il y a des vraies photos de triangles à trois points avec une lumière rouge au milieu. Sauf que moi, je me rappelle de mecs qui avaient genre pris en photo depuis leur fenêtre des points lumineux dans le ciel ou des points noirs. Ouais. Et en fait, c'est juste que en prenant leur fenêtre, la fenêtre n'est pas ouverte. Donc derrière la fenêtre, de la lumière. Voilà. Non, c'est pas ça. Ah. Derrière la fenêtre, ils avaient collé un point noir sur la vitre. J'ai vu quand tu prends la photo, ça se soucoupe volante. En fait, c'était des assiettes qu'ils avaient jetées. N'importe quoi. C'était loin, bah voilà. Mais ça, c'est celle que tu vois dans X-Files, dans le générique. Tu vois, t'as une espèce de soucoupe. En fait, ça, c'est vrai. Ça, c'est le truc que Jack explique. C'est une assiette qu'ils ont. C'est une assiette qui a été jetée en l'air et les mecs ont pris une photo. N'importe quoi. Mickaël, le podcast. Et puis on va jouer au jeu des amis avant de reparler des ovnis avec Fanny qui est là maintenant. Fanny, 16 ans de Brest. Salut Fanny. Salut. Salut. Comment ça va? Ça va, Lou. Bon, bienvenue à toi, ça va bien, Fanny, tranquille. Bon, alors, Fanny, on va jouer au jeu des amis? Ouais. Très bien, on va donc appeler un de tes potes, on va lui poser 10 questions à ton sujet. Si il répond à 6 sur 10, ce sera gagné pour vous deux, et sinon, c'est perdu, ok? Ok, d'accord. Bon, très bien. Allez, on va y aller, on appelle qui, Baptiste, Pauline ou Nolwenn? Baptiste. Ok, très bien, allez, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Oui. Oui, on est prêts, ouais. Bon, est-ce qu'on a besoin d'une précision? Non. Non, je crois qu'on connaît les règles, Tex. D'accord. Allô? Allô? Oui. Baptiste? Oui. Salut Baptiste, c'est Mickaël, toi en direct à la radio sur Énergie. Je t'appelle avec Fanny pour le jeu des amis. Ah. Ça va et toi? Ouais, bon, je vais te poser 10 questions au sujet de Fanny. Si tu réponds correctement à 6 sur 10 au moins, ce sera gagné pour vous deux, d'accord? Ok. Bon, très bien. Si tu sais pas, tu passes. C'est donc considéré comme une mauvaise réponse et il faut répondre du tac au tac, ok? D'accord. Bon, parfait. Putain, la voix commence à partir là. Une demi-heure qu'on a commencé. La voix part. Tu vas pas pouvoir bosser demain. Non, si, d'ici demain, c'est. Non, tu pourras pas. Non, mais si, d'ici demain. Non, tu pourras pas. Je dis que d'ici demain, ça ira mieux. Vendredi, je sais pas, mais ça ira mieux. C'est ça, les milieux de semaine, ça va toujours mieux. Voilà, que les fins de semaine. C'est ça, ouais. Bon, allez, on y va. Première question. Quel est le pire cadeau qu'on lui ait jamais offert? C'est un CD gravé d'un groupe qu'elle aimait pas. C'est quoi le groupe? Ouais, un CD gravé, oui, un album. Un album pourri, c'est ça. Oui, un album pourri. C'est ça, allez, c'est bon, je valide. C'était quoi le groupe, effectivement, ouais? Ça, le groupe, je sais pas, mais pas qui. C'était quoi, Fanny? Le groupe, comment il s'appelle déjà? Merde. Ça a pas vite marqué. Ah ouais, ça avait l'air d'être un groupe sympa. Hein. Ah non, mais en fait, c'est pas un groupe très, très connu et je l'ai écouté et j'ai détesté ça. En fait, c'est un pote qui il m'a dit, tiens, regarde, ok. Tiens, écoute, c'est ma maquette. Là, oui, c'est ça. Ouais. C'était bien, non, c'était pourri, d'accord, ok, très bien. Ouais. Bon, allez, continuons maintenant. Quel métier aimerait-elle faire dans l'absolu? Vous aurez vétérinaire. Non, guitariste. Ça ressemble. Ouais, c'était presque la même chose. Hein. Ouais, il y avait l'un des deux, donc. Quelle est la chose la plus ignoble qu'elle ait déjà mangée? Un kebab au cafard. Oui, exactement. Ah, oui, c'est ce qu'elle a répondu. Ouais, bah oui, c'est texte. Alors, c'est pas exactement au cafard, c'est avec des cafards dedans. Mmh, c'est vrai. C'est de la viande, hein. Voilà. Ça t'est vraiment arrivé? Ouais, c'était bien. Et c'est bon, ça croque le cafard ou pas? Ah non, en fait, j'ai mangé debout, puis j'ai vu deux antennes qui dépassaient. Quelle horreur. Oh mais attends, t'as porté plainte? Non, en fait, c'est parce que comme j'étais en Afrique, c'était les cantines dans les lycées français. Oui, parce qu'en fait, chez eux, c'est normal, c'est l'accompagnement. C'est en fait, c'est vraiment dégueulasse, quoi, donc... Ouais, bah dis donc. Bon bah écoute, ça nous rappellera de ne pas en manger. Sinon Mike, je crois que Toff et Roux sont en train de faire un Monopoly. Non, non, d'ailleurs ça se voit sur la webcam, vous êtes vraiment pas discret. Qu'est-ce que vous foutez au Monopoly? Vous foutez de ma gueule ou quoi? En fait, on fait un Monopoly PSG. PSG, c'est pas n'importe quel Monopoly. Ah super, ouais, bah. Ah alors d'accord. Ah bon ça va. Attends, ouais, je viens d'acheter la rue de la défaite, elle vaut cher. Hein. Non, c'est ça, c'est drôle. Bon allez, on continue. Si elle était un mec, avec quelle star, pardon, est-ce qu'elle sortirait? Ah, le chanteur de Green Day, je sais plus, c'est... Non, t'emmerdes pas, de toute façon, c'était Angelina Jolie. Oh, on y était presque. Ça ressemble, hein, t'es physiquement, ils ont quand même à peu près la même bouche. Ben oui, si elle était une position imaginaire du Kama Sutra, laquelle est-ce qu'elle serait? Comment? J'ai pas entendu. Si elle était une position imaginaire du Kama Sutra, elle serait quoi? Missionnaire. Non, parce que c'est imaginaire. Hein. Et alors, par contre, la réponse, c'est l'autruche, Fanny. À quoi ça ressemble une position de l'autruche? Alors, je sais pas, j'y ai pensé sur le moment, mais. Moi, j'ai bien une idée avec la tête dans le cul. Hein. Ah, ouais. Demande à Toff d'imaginer, il s'imaginera pour mais, toi. Mais c'est ce que je dis, j'ai bien une idée avec la tête dans le cul. D'accord, enfin, tu connais Toff? Hein? Tu connais Toff? Ah non, pas personnellement, mais comme je vous écoute tous les soirs. Ouais, bah donc tu le connais. Je sais comment il est. Hein. Tu le connais via la radio, très bien. D'ailleurs, combien mesures-tu? Non, à 16 ans. Ah merde, non, en fait, je veux pas savoir. Voilà, elle mesure pas. Qu'est-ce qu'on va encore poser? Oui, mais où est donc Ornicard? Oui. Ah, oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non. Mais où est donc Ornicard? Qu'est-ce qu'elle a répondu à ça? Je sais plus. Dans ton cul. Ah, voilà. C'est pas mal aussi. qu'est-ce que tu nous as répondu? Dans ton cul. Non, elle a dit je sais plus. Ouais, j'ai dit je sais plus, oui. Mais je m'en fous. Ouais, je sais plus quoi. Mal barré, hein. Ouais. Bon, continuons. si elle devait se faire un tatouage, elle se ferait quoi et où? Une rose sur le bas du dos. Non, elle se fera un dragon dans le dos. Oh, ah ouais, non, bon. Bah, une rose, un dragon, c'est pareil. Quel est son signe astrologique chinois? Cheval. Non, cheval. Alors le coq d'eau, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est le quoi le coq d'eau? Je connais le coq, mais le coq d'eau. Bah en fait. C'est l'ascendant chinois. Non, en fait, c'est pas ça, je crois. Je suis pas très calée dans ce sujet, mais comme j'ai de la famille asiatique et tout, normalement, avec ton signe astrologique chinois, t'as un élément qui va. Donc, je sais pas, t'as l'eau, la terre, le feu, le métal, des trucs comme ça. Coq d'eau. Ah ouais, Toff, ton signe chinois, il serait la balance sperme. Du sperme. Oh, c'est dégueulasse. Bah quoi? Mais non, c'est des animaux. C'est pas un dessin. C'est pas grave. Le porc. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, le porc. Ouais. Bon, et alors, la petite dernière, là, pour le sport, hein, histoire de dire. Qu'est-ce que tu fais si tu croises. Qu'est-ce qu'elle ferait si elle croisait son mec avec quelqu'un d'autre dans la rue? Bah, je crois qu'elle pèterait un câble. Non, elle ne ferait rien. Non. Ah, c'est sympa. Voilà. C'est une idée. Eh ben, c'est un échec. C'est grave, ça arrive. Baptiste, t'es plus mon ami, hein. Cette mauvaise réponse, un drame. Une catastrophe. Je peux pas forcément savoir tout le temps non plus. Oui, c'est vrai. Bon, c'est pas grave, vous retentez votre chance quand vous voulez tous les deux, d'accord? Ok, d'accord. Salut à vous, à bientôt. Bonne journée, au revoir. Ciao, bye bye. Ah oui, c'est plus que la fin de journée là. 612, débutez votre message par énergie si vous voulez tout simplement jouer au jeu des amis. Hein, et puis vous mettez amis, donc évidemment avec votre numéro de téléphone. Je suis nouvelle en même état que mercredi, je vous préviens. Je parle et... Ouais. Mais continue à parler, continue. On peut mettre la clim s'il vous plaît? Ouais, connasse, va arrête un peu, tu veux tout ça pour avoir un jour de congé. S'il demande du miel ou du citron, vous lui donnez pas. Hein. C'est dingue ça quand même. Laissez-le crever. Putain, t'as tout ça pour avoir un jour de congé qu'elle n'aura pas, parce que si je suis malade, elle viendra elle-même. Ouais, pour faire chier. C'est elle qui animera. Non, j'ai pas envie non plus de faire fuir tout le monde, hein, mais elle sera là, elle sera juste là. C'est pas grave. Elle regardera. Voilà, elle regardera. Bon, donc voilà, on rejouera donc au jeu des amis demain, bien évidemment, dès 21h. Au paquet de rêve, les gants, tout bien. Voilà, tout c'est bien. Du portugais. Voilà, voilà, on reparlera dans... dans quelques instants des ovnis avec Carole qui nous en avait parlé au début de l'émission. On aura également Claire qui est là, 16 ans du 44. Salut Claire. Salut Mickaël, salut l'équipe. Salut. Comment ça va? Ouais, ça va bien. Bon bah écoute, tant mieux, sois la bienvenue. Alors dans un instant on parlera des ovnis, mais à quel niveau exactement? Moi je parlerai de l'invasion des ovnis. L'invasion. Oui, parce qu'ils sont déjà parmi nous. Ouais. Attends, parce que là, on peut. Ah, petit, ça, c'est intéressant. On peut peut-être en parler même un petit peu plus, là. Oui, Toff va pouvoir témoigner, d'ailleurs. Alors, attends, c'est-à-dire. Pour moi, je pense qu'ils vont atterrir sur Terre dans 2-3 000 ans. Ah oui, on attendait. Oui, on sera pas là pour savoir, quoi. Ah, 2-3 000 ans, putain, non, fait chier. C'est pas pour tout de suite, mais c'est pour bientôt quand même dans l'essai de l'humanité. D'accord. Tu le sors d'où, ça? Je pense des magazines scientifiques, donc au début j'ai eu quelques magazines scientifiques et puis après j'ai fait des recherches qui ont confirmé certaines recherches et en fait ça... Ils sont plusieurs à le dire en fait. Ça a beaucoup frappé et ouais... D'accord. Alors l'avantage avec ça, c'est qu'effectivement, moi, je peux vous dire que d'ici 4000 ans, il y aura une nouvelle race humaine, la V2. Ouais. Oui. Voilà, personne ne sera là pour vérifier, donc on s'en branle. Moi je croyais que le monde s'arrêtait en 2012, donc quel intérêt de venir dans 3000 ans? Mais non, mais ça s'arrête pas en 2012. Après le nouveau Big Bang. C'est n'importe quoi. Elle suit un peu. Bon, alors Claire, dis-nous-en peut-être un petit peu plus par rapport à cette arrivée de nos amis martiens. Oui, alors en fait, je pense que les extraterrestres, ils sont... Enfin déjà, l'humain, il est apparu il y a quoi, 10 milliards d'années. Bah en fait, les ovnis, enfin, qui pourraient exister, ils sont apparus il y a beaucoup plus longtemps. 10 milliards, non. Non, parce que j'ai pas fait tout de suite, mais non, ils sont pas arrivés il y a 10 milliards d'années. Ah, j'ai toujours été très mauvais je retiens jamais les dates, mais ça ne fait pas 10 milliards d'années, hein, je te confirme. Non, les mauvais en tout. Non, mais c'est approximatif. Hein. Ouais, très bon. C'est approximatif, ouais. Tu sais où est New York? Ouais, c'est pas loin d'Hong Kong. C'est approximatif, on va pas chipoter non plus à 15 000 bancs près. Au final, ils vont peut-être pas arriver dans 2 000 ou 3 000 ans, mais dans 10 000 ans alors. Voilà. Ou dans deux jours. Approximatif. Ou dans deux jours. Ça se trouve, Sandro est un extraterrestre. Peut-être, et je vous le dis pas. Bah, qui sait? Parce que souvenez-vous, dans Mars Attacks. Mars Attacks, c'était pas il y a 2 000 ans. Non, mais elle était super bonne, la meuf. Oui. Merci, toi. C'était une extraterrestre. Bah oui, mais elle était bonne. De quand elle était dans sa peau d'humain. Ouais, il aurait préféré se taper. Oh, c'est dingue. C'est un grain, toi. Oh là là là là là. Bon, allez, vas-y, continue, Claire. Ouais, c'est pour dire en fait que les ovnis, pour moi, ils avaient le temps de développer beaucoup plus de techniques, de moyens pour justement arriver à. Pas les ovnis, les extraterrestres. Un vaisseau spatial, comme on dit, pour justement aller sur Terre. Et mais pourquoi est-ce que ça ferait d'office depuis plus longtemps que nous qui seraient là? Pourquoi ça fait pas juste 2 semaines qu'ils sont là? Bah je sais pas, en fait ils se sont établis sur une planète, sur un autre univers, et puis justement ils ont établi un site de technologie justement pour aller vers la Terre. Et Toi, t'es chez Père déjà, toi t'es loin. Ouais. Toi, t'es déjà parti bien loin, toi. Je pense, ouais. Je pense que tu te casses la tête, là. Hein. C'est pas, ouais, il y en a peut-être. Les mecs. Ils sont là, ils sont sur la planète. Ça se trouve, il y a une planète qui s'appelle Roux. Bah ouais, il y en a un, il fait un barbecue, là. J'ai eu au téléphone tout à l'heure. Donc, oui et non. Mais pourquoi t'es persuadé de ça? Bah non, je suis pas persuadée, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai lu, et puis après, j'ai recherché après, qui m'a vraiment marqué. Et puis je pense que c'est ça, c'est beaucoup plus probable que les espèces de poissons panés volants qu'on voit dans le ciel, je sais pas où, là. Bah c'est aussi probable que... Poissons panés. Y a pas de vérité, donc tout est probable. Mais non, parce que la vérité est ailleurs. Je pense que c'est peut-être plus probable que ça, que des témoignages par-ci par-là, quoi. Ouais, attends. Est-ce que je vous ai parlé de la théorie du complot? Vas-y. Non mais t'es relou, il va parler de ça jusqu'à minuit. Non parce que dans la théorie du complot, les extraterrestres sont déjà là. Et en fait, il y a Carole qui voulait parler. Elle est nue au téléphone, je le rappelle. Ah pardon. Attends, tu veux parler d'un truc d'X-Files? C'est toute la théorie que développe Mulder. Mais c'est vieux, Toff. C'est comme si j'arrive. Oui, dans l'épisode 17 de la 3e saison de Friends, il se passe ça. Peut-être, mais le troisième long métrage va sortir. Oui, bon, Toff, c'est à toi de jouer. Tire les dés là. Quelle saison de Friends, Mike, t'as dit? J'en sais rien, 17 épisode 3, 17e épisode saison 3. Okay. Regardez ce qui se passe. Jack, comme il joue pas Monopoly, il s'occupe comme il peut. J'ai au hasard. Bon, bref, Carole, qu'est-ce que t'as ajouté par rapport à ce qui a été dit? J'adore ce sujet-là parce que franchement, les gens ils peuvent en parler pendant, il y a 10 000 théories. Tout est possible en fait. C'est dommage qu'on n'ait pas quelqu'un qui ait vraiment vu quelque chose, non? Ouais, mais comment le croire? Bah moi j'ai vu X-Files. Non mais voilà qu'il explique, parce que voilà, les mecs qui ont soi-disant vu, enfin voilà, moi je renie rien, hein, mais quand ils sont dans leur truc, quoi. C'est clair. Mais quand c'est un truc que t'as vu dans le ciel, c'est pas forcément des extraterrestres, ça peut être plein de choses, ça peut être aussi des trucs de l'armée, ils ont des engins, ça se trouve, qu'on n'a jamais vu. Les gens qui ont cru voir ça... Ils sont à fond là-dedans, ils vont te sortir des trucs, voilà quoi. Et on fumait. Ouais, mais c'est un peu le même délire quand pour les esprits. C'est pareil, oui. Quoi. Oui, forcément, c'est pas une espèce de zone militaire secrète en plus. Ouais. J'ai entendu parler. Ouais, aux États-Unis, ouais. Elle est plus très secrète. Hein. Elle est moins secrète qu'avant. Ce que j'aime bien, c'est que ça s'appelle 51, quoi. Une fois de plus, c'est un signe que les mecs, à mon avis, ils se picolent un peu. Mais d'ailleurs, la légende veut qu'en fait, le micro-ondes, ce soit une technologie extraterrestre. Ah bon? Non, c'est vrai. T'as beaucoup de légendes à la con, toi. Dans X-Files. Ah, mais moi j'adore toutes ces légendes à la con. Dans X-Files. Non, mais ce qui peut être possible. C'est pas dans X-Files. Ce qui peut être possible, c'est que comme on connaît pas le début ni la fin de la galaxie, l'univers, etc., il peut très bien y avoir un autre soleil ailleurs, une Terre à même distance. Je te le dis, il y en a. Et ça se trouve, si la Terre s'est développée comme ça, s'il y a la même chose vachement plus loin ailleurs, ça se trouve, effectivement, il y a d'autres êtres humains, les mêmes que nous, qui se sont développés de la même façon. Non, puisque... Franchement, mieux. Hein. Et peut-être que là-bas, Paris serait champion. Et sinon, pour information, ils partent au sport d'hiver sans Ross et le taxi de Phoebe tombe en panne. Ah, très bien. Voilà. Bon, non, mais c'est vrai, non, mais oui, mais bien sûr, mais il y a tellement, c'est tellement difficile de réunir tout ce qu'il faut pour que la vie arrive, c'est possible, c'est possible, mais bon, c'est difficile. Ça va énerver des, pas ici. Parfait. Alors non, ça va énerver des gens, pas ici, mais ceux qui écoutent la radio. C'est plus probable que les extraterrestres, c'est une théorie, c'est un avis. C'est plus probable que les extraterrestres existent plutôt que Dieu. Ah. Non, j'ai cru qu'il allait dire que Paris gagne le championnat, mais non. Je suis assez d'accord avec Laurent. Ah, ils ont déjà gagné. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un avis. Hein, c'est un avis que je partage. N'importe quoi avec les traîneurs. Micha, tu ne décroches pas le téléphone pendant au moins 20 minutes. Que je partage. Bon, Jérém, qui est là, 20 ans maintenant, du 93. Salut, Jérém. Bonsoir, Mickaël. Comment ça va? Bonsoir, bah, Jérém. Très bien, et toi surtout, hein? Bah écoute, j'ai connu mieux, mais bon, ça va. Alors on va me payer un petit coca là, donc ça ira mieux. Peut-être t'as un alien dans la gorge. Mais qui sait, peut-être, hein, c'est possible. Bon, alors, Jérém, tu voulais donner ton avis, toi, par rapport à tout ça? Tout à fait, puisque les extraterrestres, c'est quand même un sujet, comme disait l'ancienne auditrice, qui est assez abordable. Ah, elle est pas si vieille que ça. Donc, justement, moi, j'ai déjà vu quelques petites choses, mais bon, c'est par exemple, quand je me promenais, il n'y avait pas de nuages, rien, pas d'air. Rien, parce qu'on m'a dit c'était un oiseau. Il n'y avait rien. Il y avait une ombre. Je ne sais pas de qui. Parce que je savais jamais. Dans le ciel ? Non, par terre, en face de moi. C'était pas la mienne. Hein. Je tiens à rassurer. Hein, parce que quand même. Ah, ça doit être spé, ça. Voilà. Et j'ai vu ça. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Je devais avoir quoi ? À peine 12 ans. J'ai suivi l'ombre jusqu'à ce qu'il y ait un arbre. Et l'ombre, elle s'est mise dans l'ombre de l'arbre et elle n'a jamais réapparu. Et depuis ce temps-là. Quelle pute. Voilà, non, mais elle a disparu. C'est une allumeuse. Et il n'y avait aucun nuage, aucun oiseau. Mais genre l'ombre, elle bougeait. Voilà, elle bougeait toute seule. Moi, je la regardais bouger. Je disais à mon père, mais c'est quoi ça? Et puis lui, il ne la voyait pas. Moi, je la voyais. Et c'était quoi comme forme? Bah, une forme un peu humaine, mais bon, je sais pas trop. Un peu humaine. Mais c'est ça aussi. Non, mais il suffit que tu aies une poussière minuscule dans l'œil. Et alors tu mets ton doigt parce que ça chatouille. Ça peut être plein de choses. Le cerveau humain, il y a plein de choses encore qu'on explique pas. On n'explique pas. Il a eu mal. Non mais je disais la semaine dernière ou il y a deux semaines, c'est comme quand moi j'ai cru au Père Noël jusqu'à très très tard, malheureusement, jusqu'au moins 12 ans facile. Mais non, pas malheureusement. Parce que t'es très cool, toi. 10 ans. Tout ça parce que quand le soir de Noël, quand je suis arrivée chez moi, ma mère, bon, qui avait les cadeaux, il y a le Père Noël qui est passé, machin, elle ouvre les fenêtres, elle me fait, tiens, regarde, il est sur le toit. Et moi, bah, je l'imaginais, donc j'étais persuadée d'avoir vu le Père Noël avec son traîneau sur le toit, alors qu'il n'y avait rien. Pauvre fille. Non, mais comme quoi le cerveau peut partir en vrille pour tout et pour rien aussi. Elle m'a fait de la peine. Mais c'est comme Michael. Oui. C'est un peu comme les esprits. Ça, ouais. C'est quand même quelque chose. J'ai vu plein de reportages, mais il y a même des choses qui sont bizarres. Il y a des endroits où il y a des gens même qui sont aveugles, les yeux fermés, ils arrivent quand même à sentir qu'il y a quelque chose de pas normal. Alors, dans cet quel endroit-là. Est l'intérêt de fermer les yeux quand t'es aveugle? Non, mais quelqu'un qui ferme les yeux et qui est aveugle. Oui, oui, on avait compris. Mais attendez, voilà. Parce que je suis désolé, je vais devoir vous couper deux secondes, puisque depuis tout à l'heure, il y a beaucoup d'avis là qui circulent justement sur ces fameux ovnis. À Reims, ouais. Alors, est-ce que c'est crédible ou pas? Est-ce qu'ils peuvent débarquer ou pas? En tout cas, à Hollywood, on se pose plus la question. L'information a déjà bien circulé. Arrivent. Oh, regarde là-haut. Ils arrivent. Eh, mais qu'est-ce que c'est cette lumière dans le ciel? Impressionnant. Ils arrivent. Incroyable. Depuis le temps que je rêvais d'en voir. Ils arrivent. Regarde. Oh, y en a un qui sort. Ils arrivent. Bienvenue à Reims. Ils repartent. Ah mais Reims c'est pas facile hein. Ah bah c'est dur hein, ça c'est. Ouais. Non mais oui, bah oui. Ce sont des choses qui arrivent. Tu peux avoir une. Si c'est quand tu vas en vacances, t'arrives dans une ville, tu dis ouh. Ouais, oh, je vais pas rester hein. Ouais c'est ça, ouais, je vais peut-être pas rester très longtemps. Si parce que t'as payé. Même, franchement, moi parfois si je parfois, paye. Parfois tu as payé et tu préfères partir. Ouais, parfois tu préfères partir c'est quand vrai, même. Hein. Non, ouais c'est mais vrai. Tu restes quand même. Ouais. Vous avez déjà été à Reims vous ou pas? Moi oui, personnellement. Moi aussi. Ouais. Et vous, Carole, Claire et Jérém? Ben moi oui, Carole. Oui, pas forcément. Mais et toi, Claire et Jérém? Non, moi pas encore. D'accord, ok, très c'est bien. C'est mieux. Non mais on n'a rien contre Reims, dit en passant. Bah non. Je connais d'ailleurs cette très très bonne pompe à essence qui se trouve sur l'autoroute, la pompe Esso. Tout à fait. Et ils sont très gentils, ils écoutent Énergie. Enfin la dernière fois ils écoutent Énergie, maintenant encore je ne sais pas mais. Ouais, t'as quand même l'impression qu'on fait tout pour pas donner envie aux gens d'aller à Reims parce que ça te coûte quand même 50 euros de péage. Oui c'est vrai. Alors que c'est à côté. Ouais, ouais c'est vrai que c'est cher. Tu dis Non, j'y sais rien. Non, je parlais tout seul, c'est parce que y a. Ah oui, donc tu es habité alors toi aussi. Ouais, comment tu veux être crédible maintenant toi? C'est ça, là, t'es mort. Bon, attends, parce que pour terminer, il y a Charles aussi qui est là, qui a son avis à donner, 19 ans du 76. Salut Charles. Salut Mickaël, salut l'équipe. Comment salut. Ça va? Ça va, ça va. Eh bien, bienvenue à toi. Tu voulais... Est-ce que tu es possédé ou pas? Comment? Est-ce que tu es possédé? Non, non, je ne suis pas possédé. D'accord, parfait, nous allons pouvoir discuter normalement. Oui. Bon, on t'écoute. Donc, Charles, tu voulais donner ton avis par rapport à ça? Donc voilà, donc justement, je voulais dire que c'est-à-dire que beaucoup de personnes considèrent certains phénomènes qu'ils voient dans le ciel de nuit comme de jour comme des ovnis, alors oui. que par exemple, c'est tout simplement, ça a été prouvé pour la plupart des cas, du matériel aérospatial qui retombait sur Terre et qui justement, par l'effet de la stratosphère, s'enflammait. D'accord. C'est pas faux. Alors c'est vrai que quand un objet rentre dans vulgairement parlant dans la Terre, dans la couche d'ozone, si tu veux, il se désintègre et il brûle, ça fait des lumières incroyables. C'est comme quand t'as une fusée qui décolle, qui explose, qui retombe, tu veux, t'as aussi des traînées de lumière incroyables, mais c'est pas pour autant que ça n'ouvre. Tout à fait, exactement. Ouais, et là, Je voulais juste te couper, en fait, tant que tu ne sais pas ce que c'est un ovni. Hein, quoi oui, qu'il parce que c'est, oui, mais la tête des gens, ovni, c'est extraterrestre. Alors qu'ovni, c'est objet volant non identifié. Voilà. C'est juste que tu vois un truc en l'air, que tu ne sais pas ce que c'est. Oui, tout à fait. Objet volant ou objet fixe. Alors que beaucoup de points fixes que les gens considèrent comme non identifiés sont identifiés. Il faut bien faire le rationnel entre ce qui est identifié pour le gouvernement et ce qui est identifié pour le grand public. Oui. Après, on peut jouer sur quelque chose qui est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus contextuel. Contextuel, voilà exactement. Il faut pas se leurrer. Les gouvernements développent des projets qui sont top secrets. Oui, ça dépend de la conjoncture. Ça dépend de la conjoncture, mais ça a été prouvé. La zone 51, elle existe réellement. Ouais, mais tu sais pas ce qu'il y a dedans. Non, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. La zone 51, on l'a allouée à tout ce qui est OVNI, alors que ça se trouve, c'est pas du tout ça. Hein. Ouais, c'est vrai. C'était OVNI, onomatopée, vaisseaux spatiaux, enfin tout ce truc. Voilà, mais dans un jeu là. Voilà. Mais tout ce qui est exactement, tout ce qui est vaisseaux, par exemple des avions qui sont capables de rester fixes à certaines hauteurs ou quoi, ça existe. Heureusement. Alors ça c'est vrai, t'as des avions qui peuvent rester fixes. Ou des hélicoptères. Mais des avions c'est plus original. Des hélicoptères ou tout simplement des avions de chasse qui peuvent rester fixes. Il y a eu des avions de chasse qui ont été créés dans les années 80 qui sont capables de faire du surplace. Aussi, effectivement, ouais. Donc là, après... Fabriqué en France d'ailleurs. Ouais. Par contre, je vois pas l'intérêt de faire du surplace avec un avion. Hein. Après... Ah bon, non, il n'y a pas grand intérêt hélas, mais bon, c'est une prouesse technologique. Bah, c'est juste qu'avec un avion, quand t'es en période des guerres, l'avion va beaucoup plus vite qu'un hélicoptère. Et pour atterrir, c'est tout de suite beaucoup plus facile de se poser plutôt que. Il décolle verticalement. C'est également un des intérêts. Il décolle à la verticale et il se pose à verticale. C'est génial. Comment est-ce qu'on nous a caché ça pendant tant d'années? Tu es pas sensible, mais c'est effectivement assez génial. Exactement. Oui, mais Toff, de toute façon, tant qu'il n'y a pas une bite et un cul, tu trouves pas. Si demain on me fait un avion avec une bite et un cul à l'arrière, ouais, c'est clair. C'est génial. Ouais. Il va mal finir, lui. Il a mal fini. Tu crois que ça fait planer les couilles? Ouais, bah, bien sûr. Il a mal commencé déjà. Ouais, ah oui, ça c'est sûr. En tout cas, merci pour les infos, c'était intéressant. Mais effectivement, ouais. Charles, t'avais encore un truc à ajouter? Non, non, c'est bon. D'accord, ok, bon écoute, c'est gentil d'être passé, Charles. Mais Charles, Jérém, Claire et Carole, restez au standard. Micha va se faire un plaisir de prendre vos coordonnées à chacun afin de vous envoyer un petit cadeau à tous. D'accord, merci beaucoup. Attends, on va recommencer. Allez. Oui, Charles, tu voulais me dire? Bah merci à tous. Bah écoute, y a pas de problème. Salut à toi, Charles. Courage, et puis bah bon établissement pour ta voix. Hein. Bah écoute, merci. Ça va mieux que vendredi, mais c'est pas encore le top. Oh, son gros. C'est pas si grave que ça. Salut Jérém, salut Claire. Claire. Bon courage, bonne soirée. Et Sandro, t'es génial, change pas. Bah merci, c'est gentil comme ça. Ouais, t'es la meilleure. Ouais, mais je commence mon régime demain. Oh, hein. Vous inquiétez pas, je commence mon régime demain. Non, elle a commencé avant-hier. Non, j'ai commencé aujourd'hui. Elle a rechuté hier. Foutez-lui la paix avec son régime. Ah, c'est elle qui nous dit avec ça. Non, c'est à force de mettre la pression que je reprends. On peut aller jusqu'à 25 euros pour le cadeau de Noël ou pas? Qu'est-ce que tu vas m'offrir? J'avais dit 30 moi à la base. Hein, donc, un coffret Wave Pressures. Ah, il me l'a déjà offert. Hein. Non, j'ai pas tenu. En fait, il y a une nouvelle pub qui tourne sur Internet. Donne pas cadeau, idiot. Oh, si tu peux. C'est un cadeau. Mais c'est vrai, t'as raison. Bah oui. Cadeau, je vais pas le dire. Je peux aller jusqu'à 25 euros. Gardons-le pour le. Mais j'avais dit même 30, hein, en fait. Ah bon, allez, alors c'est bon. J'avais dit 35 euros pour m'acheter un petit top. Pour le 24 décembre, on s'offrira des cadeaux entre nous. On peut ne pas dépasser 2 euros. 5, ouais. Non, mais c'est maximum temps. Après, ah, très bien, ouais, ok, parfait. Peu importe. Bon, salut tout le monde, merci à vous. Allez, vas-y. Oui, donc je fais une dédicace à Julie, ma cousine, et à tous ceux qui me connaîtront. Et puis j'ai un petit message à faire passer aux roues, surtout. Vas-y, je allez, Marseille. Si... Non, pas du tout. Je ne sais pas s'il a lu l'article que l'Irlande demandait à être la 33e candidate pour la Coupe du Monde. Ouais, ouais, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Ils ont fait une demande à la FIFA. Oui, pour La FIFA va y réfléchir. Non, mais la FIFA... La FIFA est tout réfléchi. Voilà. En fait, elle a dit oui, nous allons réfléchir à ça. Elle a dit par contre, ça va être un petit peu problématique parce qu'il va falloir faire pareil avec le Costa Rica qui est aussi perdu sur un hors-jeu imaginaire. Donc, il risque d'y avoir beaucoup d'équipes à la Coupe du Monde. Oui. Ça ne sera pas. L'Irlande a fait la demande, mais ça va pas. Cela dit, t'imagines, l'Irlande passe et ils deviennent champions du monde. Imaginons. Pas possible. Pourquoi? Pas possible. C'est pas possible. Déjà, ça fout la merde dans les tableaux s'ils sont 33 équipes. Oui, non, c'est sûr. Voilà, déjà. Ou alors ils divisent l'Irlande et tu sais, ils divisent en 4. C'est déjà fait. Ah oui, merde. Bon, allez, salut, Jérémy, merci pour l'info et on en parlera effectivement tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Et je pensais à un truc là parce que Orantène, tu leur disais qu'ils faisaient de la négligence professionnelle. Pas du tout. Parce qu'ils jouent au Monopoly. Oui. Et j'ai une petite histoire à te raconter à propos d'un mec qui en a fait pour de vrai, si tu veux, je te raconterai ça après. D'accord, ok, bah écoute, on a vu le même. Eh ben parfait, on c'est fera ouf. Ça. Le mec, c'est ouf ce qu'il a fait. Tu veux que je te parle d'un facteur? Un facteur? Ouais, ouais, ça se passe à la poste en fait. Ah, un facteur, je croyais que c'est un genre le facteur commun entre machin, tu vois. Un mec pire que Root, Off et Sandra. Donc quoi. La poste quoi. Voilà. Enfin, un mec bien de la poste quand même. Hein. Bah, un facteur. Oui, un vrai facteur. Un facteur quoi. Ça se passe en Côte d'Or en fait, et le mec avait pas envie de bosser. Si tu veux. C'est voilà, il voulait pas faire ses tournées, il voulait pas distribuer son courrier. À ton avis, comment il a fait? Un facteur quoi. Pour pas aller au taf. Pas aller au taf. Bah ouais, pour finalement. Ah, pour pas aller livrer courrier quoi. Ouais. Bah, il a filé un collègue. Non, il a cramé, il a acheté la poubelle. Ah non, dépression. Non, non. Les courriers sont toujours là, hein, puisqu'il les a stockés chez lui. Il a gardé plus de 300 kg de courrier chez lui. Il n'y a pas touché, il les a pas ouverts, il les a pas détournés. Non, non, il les a juste laissés. Ah, pas de bosser, pas de. Je crois que Jacques, c'est le seul gars et ça m'a perturbé. De quoi? Qui dit kilogramme. Non, c'était pour insister. Ah bon, d'accord, ok, très bien. Mais c'est quoi, c'est pour son feu de cheminée ou... Non, il a rien touché. Pour pas faire sa tournée. Il allait au centre de tri, récupérer ses sacs. Oh là là. Il est à la moitié, quoi. Il est rentré chez lui, quoi. Ah bah putain. Tu sais, c'est comme toi, tu mets des trucs sur le côté de ton bureau, tu te dis, je le ferai demain. Bah non, lui, c'est non, pareil. Non, il y a que toi qui fais ça. Il y a plus de côté maintenant. Non, mais voilà, le mec, il a été en garde à vue et tout. Bah oui, mais c'est normal, attends, ça se trouve, t'as des courriers importants et tout là-dedans. Bah, c'est ce qu'ils lui ont dit. Les flics, ils lui ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, machin, hein, il a toujours répété. Non, mais j'ai pas envie de travailler. Quoi. Ça se trouve, tu t'es tapé des majorations. Grave. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tu reçois pas un courrier et tout. Je crois que ça fait 10 ans qu'il fait ça. T'imagines, parce que encore, ça ferait 2-3 jours ou même 2-3 semaines, tu peux aller dire à EDF ou à je sais pas qui, bon écoutez, il y a mon facteur qui se foutait de ma gueule et trouver un arrangement. Mais 10 ans plus tard. 10 ans, c'est mort. 10 ans plus tard, tu vas retourner chez les gars. Oui, bon, écoutez, vous vous souvenez, il y a 10 ans, j'avais payé 3 jours en retard. Vous m'aviez majoré. Eh ben, c'était pas ma faute. Hein. Ils vont dire, ouais, c'est ça, ouais. C'est et donc, c'est tendu. C'est pas mal, Ben, c'est ça, la poste. Oui, mais c'est pour ça, c'est un vrai facteur, quoi. Ah oui, c'est un vrai facteur. Hein. C'est pas de l'invention. Hein. C'est du vrai de chez vrai. J'ai une autre info qui est beaucoup moins drôle. Ah, vas-y, toujours. En fait, ça se passe en Afrique du Sud. Ouais. Donc, pour rassurer les footballeurs, ça se passe à Johannesburg. Ouais, la Coupe du Monde qui arrive. Ouais, vous allez comprendre pourquoi. T'as un petit gamin qui a des problèmes au niveau des mains, donc il va à l'hôpital, il se fait examiner. Il a des problèmes, c'est-à-dire il a mal aux mains ou si tu veux, à la base il avait des brûlures au niveau des mains. D'accord. Donc il va à l'hôpital, il se fait examiner, les médecins disent ok, voilà ce qu'on va faire, il lui expose tout ce qui va se passer, qu'il va se faire opérer et tout. Le gamin, bon, est partant. Il est courageux, quoi. Voilà, il n'a pas le choix. Je dirais, s'il veut retrouver des mains décentes, il est obligé de passer sur le billard. Puis c'est important, des mains. D'accord. Des mains, c'est important. Ouais. Hein, surtout en Afrique du Sud, et ce sera important pour Thierry Henry. Et ce qui se passe, c'est que donc il est opéré, donc il est piqué, il s'endort, il est opéré, il se lève, la réanimation. Il se réveille. Voilà, la réanimation se passe très bien, le réveil se passe très bien. Et là, il se rend compte en fait que les médecins ont fait une petite erreur au niveau de l'opération, puisqu'ils lui ont pas réparé les mains. C'est-à-dire? Bah, ils lui ont amputé les deux jambes. Quoi? Ils lui ont amputé les deux jambes. Enfin, comment tu peux te tromper à ce niveau-là? Bah, je sais pas, mais le gamin. C'est comme si t'arrives parce que t'as un problème de cheveux et on t'enlève les jambes. Voilà. Donc, c'est totalement l'opposé, quoi. Quand je suis tombé dessus, je me suis marré, vraiment. C'est quand même, faut vraiment être un poissard dans ta vie, quand même. Ah, ben, je te confirme. Tu vas pour des brûlures aux mains, et finalement, tu ressors, t'as plus de jambes. Et tes mains sont pas soignées. Donc, ça m'a fait rire. Après, je me suis dit, on peut pas rigoler, quand même, c'est un petit gamin, machin. Franchement, c'est pas drôle. C'est pas drôle, mais ça nous fait tous sourire. Non, franchement, moi, ça me fait pas rire. Non, ce qui m'a fait rire, c'est Jack, ce qu'il vient de dire. C'est tout. Mais sinon, quand tu l'as raconté comme ça, ça fait absolument pas rire, parce que ça peut t'arriver, quand même. Ouais, ça peut arriver. Comme non, quoi, on a un bon système de santé en France. Heureusement. Donc le gamin, bah voilà, il a plus de vie, quoi. Donc on en parlait dans le bureau, rigolait. Chaud, hein. On disait, ouais, mais attends, le père, moi j'aurais été le père, j'y vais, je le défonce. Sauf qu'on se disait, ouais, si le père il a eu un problème à la cheville, peut-être que lui il a plus de bras. Il peut pas taper les mecs et tout. Mais c'est une vraie info, quoi. C'est vraiment violent, quand même. Ouais, ouais. Ouais, ça te nique ta vie, quoi. Ah oui, bah, pour la peine, ouais. Surtout que tu sais, ça t'arrive à 60 ans. Bon, t'es habitué à la chaise roulante, à la limite, à 60 ans, mais... Bah, je te souhaite pas. Non, mais enfin, pour certains, tu vois, c'est des trucs qui peuvent arriver, quoi. T'es prévenu que ça arrive, la chaise roulante. Ouais, enfin, putain, là, on te nique ta retraite. Tu sais, le seul moment où tu vas être peinard pendant 20 ans, ouais, non. Par contre, là, quand t'as moins de 10 ans, je crois qu'il y avait 8 ans et demi. Ah, putain... Comment on peut faire ça? Bah je sais pas. Mais comment franchement, mais ça me... Il s'est trompé de chariot. Ah mais comment tu peux te tromper à ce point? C'est ça qui est énorme. Mais c'est surtout que comment tu peux couper des jambes? C'est-à-dire qu'il le voit. Tu vois qu'ils ont rien. Ben oui, mais voilà. Ça tu peux pas savoir. Le gamin il est endormi. Parce que ce qui se passe. Mais ça veut dire que le mec ne savait même pas ce qu'il avait aux jambes. Alors il lui coupe. On m'a dit de couper. Mais non, mais moi je pense que ça vient de là. Moi je pense que le truc il est simple. C'est qu'il y a un autre gars. En fait t'as deux mecs genre dans le couloir qui sont prêts à se faire opérer. Un mec qui dit bon lui c'est les jambes. Il le pousse. Tu vois, et en fait, il coupe il a poussé le mauvais brancard. Bah ce qui est bien, c'est qu'il y en a un qui a eu droit à une manicure gratuite, quoi. C'est vrai. Oh, wow, sauf oui, que super. Sauf que peut-être que la gangrène est partie par les jambes et qu'il en est mort. Et il en est mort. Bon. C'est pas drôle ce qu'on raconte. Non mais bon. Alors c'est honteux ce que tu dis toi. Mais non mais d'accord. Pas en rien, l'info étant vraie, bon bah voilà, il fallait quand même en parler malgré tout. Ah, c'est de l'actu. Bah voilà, c'est ça. Bon, on va faire un chéri, je t'ai fait cocu aussi dans pas longtemps. Alors on a un problème puisqu'on devait jouer à DJ Hero, mais il y a un problème. Micha a décidé de jouer avec ce week-end, il l'a pas ramené. Ouais. Mais je trouve que la plus belle excuse qu'il ait trouvée, c'est de dire mais non tu m'as dit de la ramener mardi. Voilà, alors pourquoi ramener mardi? Ouais. Ah bah oui, parce que lundi. À lundi c'est papa, ouais. Toi c'est. Mais il est parti où là? Mais il est parti le chercher. Chez lui. Ah il est parti la rechercher. Ouais, chez non lui. Non, il est juste parti pisser là, qu'est-ce que tu racontes? Ah mais il va pas le chercher. Mais non. Attends, s'il va le chercher, il a tout gagné. Il est 22h20, le temps qu'il revienne. Ouais, non, parce qu'il a 10 minutes. Hein. Non mais ouais, raison, il habite à côté. Il y a à sa place. Non, il habite à côté, mais le problème c'est qu'il voulait prendre une des voitures. Alors qu'il a un scooter. Ouais, il y a un beau scooter, une moto. Exactement, et il veut pas prendre la moto. Oui, mais ça rentre pas. Mais par contre, il a réussi à le prendre pour aller chez lui. Mais ça rentre plus pour revenir. C'est vrai ça. Non, c'est voilà. Plus qu'il a déballé, tu sais, moi ça prend plus de place. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, ce que je propose en attendant qu'on trouve une solution pour DJ Hero, justement, c'est qu'on écoute la première... pour ceux qui connaissent pas DJ Hero. Ouais. C'est pas avec ça que vous... Ça va pas vous aider, quoi. Voilà. Après Guitar Hero... Après Band Hero, découvre le nouveau jeu vidéo qui va égayer tes soirées entre potes. Cornemuse Hero. Retrouve tous les charmes du Pays de Galles, souffle ton haleine pleine de whisky dans une cornemuse plus vraie que nature et suis les indications à l'écran. Toi aussi, deviens une star de la cornemuse et impressionne tes amis grâce à Cornemuse Hero sur Xbox. Ça peut être marrant quand même. Ça peut être pas mal. Il y a une petite deuxième. Mais tu t'imagines, tu vas avoir un gros truc sous le bras et puis t'auras les touches de couleur sur le. Mais la cornemuse. Sandro, ils vont déjà jouer. Ouais, bah oui. Ah oui, je vais faire la cornemuse. Ça va être génial. Ils sont capables, hein, ils sont capables d'inventer ça, les Anglais. Bah, les Écossais. Au final, c'est pas beaucoup plus compliqué que Guitar Hero ou machin. C'est juste que tu t'auras les touches sur l'espèce de long sifflet et t'auras ton truc sous le bras. Avec bras. Et bah si c'est si facile que ça, tu trouves une cornemuse et tu nous en joues. Jouer de la cornemuse, non ça je sais pas. Mais je sais pas jouer de la guitare, pourtant j'y arrive très bien. Non, mais attends, la cornemuse déjà va souffler dedans. Ouais. C'est impossible. C'est compliqué. Mais ta poche elle est en peau de couille de. Ouais. En fait la cornemuse c'est comme les petits ballons tout fins, tu sais quand tu dois souffler que t'arrives pas à les gonfler. Ah c'est parce que ça là c'est. Vous avez déjà essayé de souffler dans une trompette? Ouais, rien qu'une trompette. Ouais, déjà une trompette c'est comment dur. Comment ils font les mecs? Bah ils sont doués. Il faut péter dedans en fait. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai, ouais, il faut péter. et la cornemuse, c'est en fait il faut la gonfler avant. C'est-à-dire qu'en fait il faut qu'elle soit limite d'exploser. Et après en fait c'est ton bras qui fait le mouvement d'air et tu la regonfles simplement. Mais tu sais que c'est à la mode, genre on est allé en Écosse avec Toff, les gamins ils ont 12 ans, il fait froid, ils s'en branlent, ils sont en kilt, dans la rue, en plein Glasgow, et ils jouent de la cornemuse. Alors que nous, on se met en bas des halls, ils fument des bédos. Là-bas ils font la cornemuse. Ouais mais tu sais pas ce qu'ils mettent dans la cornemuse. Hein. Ah, c'est ils vont faire bédo hero. Si tu voyais de la fumée sortir, tu dis ah oh, c'est parce qu'il fait froid et tout, mais en fait non. Mec, il se fait un gros bang avec ses cornemuses. Et là il vous a niqué. Ouais, et là, c'est et là il vous nique bien comme il faut. Avec un fond de whisky au fond. Il y avait une deuxième pub Guitar Hero. T'éclates tout le monde sur Guitar Hero. T'es le boss de Band Hero. Passe au niveau supérieur. Découvre les joies de manier la baguette. Chef d'orchestre Hero débarque sur Xbox. Reproduit exactement tous les mouvements d'un vrai chef d'orchestre et dirige les plus grands opéras du monde. Évidemment, c'est pas super drôle, mais au moins ça passe le temps. Chef d'orchestre Hero, uniquement sur Xbox. Ah non, ça doit être chiant quand même. Sur Wii. Ah bah ouais, c'est sur la Wii que ça peut marcher. Ah bah oui, c'est vrai, ouais, quand tu sais, quand tu bouges avec la télécommande, tout le bordel, ça doit être chiant quand même. Déjà chef d'orchestre, putain. Mais alors déjà, moi j'ai bon, les mecs, j'ai jamais compris ils ont du talent, ils bougent les baguettes. Je comprends pas à quoi ça sert. Parce que les mecs, si t'enlèves la baguette, ils jouent. Non mais non, en fait le chef d'orchestre il est là pour que les instruments, si tu veux, rentrent au bon moment, tous les uns dans les autres, avec la bonne intensité, avec le... S'ils prenaient pas des fonctionnaires à la place des joueurs, ils auraient des bons trucs. Mais non, mais c'est juste que c'est un groupe, et donc en fait le mec il est là pour lancer les mecs au bon moment quoi. Ah ouais, mais c'est peut-être ça qu'ils ont besoin au PSG. Mais bah y a pas de chef d'orchestre. C'est vrai, à ce moment-là t'as pas besoin d'un entraîneur. Bah techniquement t'as pas besoin d'un entraîneur, c'est pour ça que quand on tape trop sur la gueule de l'entraîneur, en fait c'est les joueurs. Oui mais t'en as besoin pour les entraînements. Mais non, t'en as besoin pour pendant le match aussi. Mais pendant le match, si les joueurs ils sont bons, ils doivent savoir jouer sans entraîneur. Sont bons, alors, hein. Ouais bah c'est pas le cas partout. Ah non ça c'est sûr. Alors, bon. Paris a gagné, ne soyons pas méchants, Paris a gagné. J'ai pas parlé de Paris. Non mais là je pense à l'équipe de France. Parce que là t'es juste en train de dire en plus que tous les mauvais joueurs sont regroupés dans la même équipe. En équipe de France ? Non, je parlais de Paris. Et c'est une sélection. Oui c'est ça, ça veut dire que c'est l'entraîneur qui a choisi les joueurs. Comme quoi il faut un bon chef d'orchestre. Oui, là pour la peine oui, mais comme le disait le route, pendant le match, bah normalement. Mais si, parce que voilà, à tel moment le gars il dit bon ben il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et t'es pas capable quand t'es joueur et que tu t'occupes de ton truc de voir la globalité. Lui il voit la globalité. C'est vrai pour ton chef d'orchestre. Si l'équipe adverse change de tactique, il n'y a que l'entraîneur qui peut le voir et du coup je changeais sa tactique à lui. Ou le gardien quand il se retourne pour prendre le ballon dans son. Mais sans déconner, Sandro va bosser à 100% foot ou RMC. Oui, je vais donner mon avis sur le match d'hier. Hein, donc alors heureusement que le chef d'orchestre était là, hein, parce que sans lui, il n'aurait pas vu qu'il y a eu un changement tout à l'heure. Il faudrait leur mettre une baguette aux entraîneurs, c'est vrai. Ouais, peut-être. C'est vrai. Ouais. Au moins, ils pourraient taper sur les joueurs. Ouais, exactement. Bon, il y a Nathalie qui est là maintenant. Salut Nathalie. Salut. Comment ça va? Salut. Comment ça va? Ça va. Bah écoute, ça va. Il a, ça fait une heure et demie qu'on a commencé l'émission. La voix tient plus ou moins la route. Voyons demain. D'accord, bon, bah ça va. Bah après, c'est demain, parce que souvenez-vous, jeudi, ça allait mieux que mercredi, et puis vendredi, le drame. Ah, c'était une catastrophe. Ah ben vendredi, j'ai même pas pu faire l'émission, le drame. Eh, ce soir, font des mics dans un endroit bruyant. Mais arrête, t'es relou, c'est obligé incroyable. Obligé de parler ça. Fort et de crier. Avec de la fumée partout. C'est ça. En boîte. Bon, Nathalie, il y a plus de clope en boîte. Ouais, mais c'est pas grave, on demandera de mettre la fumée. C'est ça. Bon alors Nathalie, 25 ans de Chartres, donc nous allons faire un petit chéri, je t'ai fait cocu. Voilà, exactement. Pas de Chartres. Très bien. Ah non, de Chartres, pardon, autant pour moi. Chartres. Voilà, c'est pas tout à fait pareil. C'est où Chartres? Autant pour moi. Oui, c'est où Chartres? 77. Eh, c'est pas beau, hein. Oh là Châtre, là. Ouais, c'est. En fait, quand tu mets ça, quand tu remplis les cases, c'est pour des jeux, pour n'importe quoi. Ils doivent... Vous avez fait une erreur, non? Ouais. Châtre, ah, ça non, va être voilà, nous, ça. C'est bien ça. D'accord. C'est genre comme moi. C'est un petit balai de pourri, mais enfin perdu, mais c'est super beau. C'est vrai, c'est le postier. Oh le con, l'autre il met Châtre. Il s'est tu sais quoi, je vais le ramener chez moi ce courrier. Ouais, celui-là il sert à rien, je le ramène. Bon Nathalie, on va y aller pour le chéri. Ouais. Je t'ai fait cocu. Pas de problème. Ok. Avec plaisir, ouais. Très bien. Bon, on va y aller. Comment il s'appelle ton coéquipier? Ah, il s'appelle Nicolas. Non, ça c'est ton mec. Mais le mec qui danse avec toi, en l'occurrence moi. Oh, comme vous voulez. Ramon. Je sais pas. Esteban. Comment on va l'appeler? Esteban. Esteban. Ah, ça fait bien espagnol. Bon, Esteban. Juan. Juan. Ouais, Juan, c'est bien. Juan, c'est mieux. Voilà, allez Juan, si vous voulez. Allez Juan. Très bien. Allez, on y va, c'est parti, Nat. Bien sûr, on est chez moi. D'accord. Allez, c'est parti. Allô ? Oui, c'est moi. Ici, là ? T'es où, là ? Au travail, encore, j'ai pas fini. Ok, non, mais c'était pour te dire, parce que ça fait plusieurs fois que tu me dis que j'ai changé avec toi, que je suis plus distante et tout, mais en fait, faut que je te dise, parce que ça fait trop longtemps, là, j'ai rencontré quelqu'un à la danse. De quoi ? J'ai rencontré quelqu'un à la danse. Tu me quittes, mon amour ? Je te quitte, oui et non, parce que bon, j'ai fait une erreur, je regrette, mais bon, voilà, je trouve que je m'entends mieux avec lui, j'ai plus d'affinité avec lui, et voilà. T'es sérieuse ? Bah oui, oui. Mon amour, mais... tu peux pas me faire ça. Pourquoi ? Mais mon amour, on est ensemble. Oui, bah oui. Je t'aime, je veux faire ma vie avec toi, j'ai acheté une maison avec toi, tous les jours je fais la maison pour toi. Oui, oh, c'est mignon. Mais bon, je l'ai rencontré, il est tombé au bon moment, j'étais fatiguée, j'étais mal, voilà, j'ai fait une connerie, mais... Bah oui, t'es sorti avec. Comment ? T'es sorti avec. Tu veux faire une maison. Je suis avec lui, je suis avec toi, je pense à lui. Et imagine déjà louer un appartement, voilà. Après tu feras construire une maison. Mais franchement, je veux pas que tu sois fâché et tout, parce que ça fait 3 ans. Ah bah non, bah oui. Ah bah oui, c'est vrai, c'est une bonne nouvelle. On va pas se fâcher pour ça. T'arrêtes avec moi alors. Comment ? T'arrêtes avec moi. Il est dur de la feuille. Hein. Mais faut toi, qu'il me dise. Est-ce que je peux rester avec vous deux ? C'est ça qui me plairait. C'est ça, bien sûr, tu veux rester avec nous deux. Et pourquoi ? Si un jour toi et puis de temps en temps lui. Tu te fous de moi ? Pourquoi ? Mais pourquoi tu me fais ça ? Sérieux ? Bon, attends. Nathalie, t'as fini au téléphone là ou pas ? Comment ? C'est qui ça ? Il va rester toute la nuit, hein. Bah, tu es chez lui, en fait. Mais t'es sérieuse ? Oui. Mais c'est pas fini, alors. C'est fini. C'est pas la peine de t'énerver. C'est fini, tu m'as fait cocu. Oui, mais... Franchement, moi, je t'ai fait confiance. Bon, et franchement... Qu'est-ce qu'il dit, là ? Je t'ai fait confiance, et qu'est-ce que je vois ? C'est en fait, tu m'as pris pour un con. Nat, qu'est-ce qu'il dit ? Il s'énerve. Oh là là là là là là. T'as couché avec ? Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut un mouchoir ? T'as couché avec ? Sinon, je lui dépose, hein. Bah ouais, mais si bon... c'est juste pour... il veut un mouchoir. Bon, bah très bien. Il demande si tu veux un mouchoir. Mais pourquoi tu me parles ? Pourquoi il me parle lui ? Je parle à toi. Bah ouais, mais bon, voilà, il... Là, c'est lui qui m'a poussé pour que je t'appelle. Parce que moi, j'avais pas le courage. Tu m'as caché des trucs. Bon, attends, passe le moi, là, parce que sinon, là, j'ai l'impression... Mais non, je te parle à toi. Pourquoi tu fais ça, quand même. Allô ? Oui. Mais pourquoi tu me parles, toi ? Je veux parler à Natalia. Ouais, non, mais une seconde, là, déjà, bonsoir. Non, je te dis pas bonsoir, je parle à Natalia. Mais non, mais dis bonsoir, déjà. Oui, passe-moi Natalia. Comment si tu t'appelles ? Bah, passe-moi Natalia, va te le dire. Comment tu t'appelles ? Passe-moi Natalia, va te le dire. Allez, vas-y, comment tu t'appelles ? Moi, c'est Juan. Ouais, bah, moi, c'est pas Juan. Passe-moi je Natalia. Je me doute bien que c'est pas Juan, puisque moi, c'est Juan. Non, bah, moi, c'est pas Juan. Bon, comment tu t'appelles ? Passe-moi Natalia. Bah, dis-moi comment tu t'appelles ? Passe-moi Natalia. Bon, qu'est-ce qui t'arrive, là ? Pourquoi t'es au téléphone, là, depuis je sais pas combien de temps, là ? Bon bah ciao. Oh. Il est un peu aigri. Hein. Il est un peu aigri ton copain. Hein. Il grognon. Ah, ouais. Bizarrement tiens. Il est trouve grognon. Et je vais faire ma maison et tous les jours je fais ma maison. Mais quoi, vous avez débuté à construire ? Ah non mais on a acheté une maison à Chape justement et c'est lui qui a fait tous les travaux et ça me fait. Ah d'accord, mignon. J'avais pas compris ça comme ça. D'accord, ok. Et vous faisiez l'amour dans le plâtre, c'était beau. Ouais bah oui. C'est lui qui a fait tous les travaux et franchement je suis fière de lui et là oui. Ça me fait un peu mal au cœur de lui faire ça mais bon. Ah oui, ça je te confirme, surtout que ouais, là, pour l'instant on s'est pas beaucoup marré, on a gagné pas grand chose. Et le pire c'est que toi ça te fera mal au cul pour se faire pardonner. Ouais. Voilà. Bon, on le rappelle. Ok. Bon vas-y Nathalie. Hein. Ouais. Tu dis que je suis super vénère contre lui, que je vais lui casser la gueule parce qu'il va raccrocher au nez, ouais, et ça tout ça. Pas, quoi. Ça se fait d'accord. Pas. Bonjour, ici la brigade sapeurs-pompiers. Oh là là, c'est une blague ce répondeur, c'est quoi ce répondeur ? Bien pour, c'est hein. Une blague justement. Bonjour, ici les sapeurs-pompiers. Ah, si Nat, vous voulez retrouver ma lance, appelez, laissez un message. Nat ? Oui ? Est-ce que tu as un numéro de téléphone où on peut le joindre autre que son portable ? Bah apparemment il est encore en train de au travail, normalement il finit à 22h30. Ah il est pompier, on l'emmerde alors qu'il est pompier ? Non, il est cuisinier. Ah oui. D'accord, ok, c'est... très bien. Ah, non, ça, ça c'est pompier mais la loose. Ouais, ouais. Tu sais, pour les mecs et les meufs. Alors, tu bosses où? Ah, je bosse dans une caserne. Ah, t'es pompier? Non, cuisinier. Ah. En tout cas, les pompiers là qui vont bouffer là, ils vont être mal servis, je pense. Hein. Ouais. Voilà. Bon, on le rappelle quand même pour être sûr. On sait jamais qu'il essaie de te rappeler directement toi. Moi, je pense qu'il y a un répondeur. Toi, a plus de chance. Bonjour, il y a la brigade des sapeurs. Ouais. Tu m'étonnes. Bien. Et ils ont vu qu'au ministère de l'écologie, Jean-Louis Borloo, il avait attention. On va faire un jeu. À votre avis, combien de cuisiniers il a? Moi, je sais. Borloo? Ouais, Borloo. Jean-Louis Borloo. Le ministère. Le ministère ou Borloo? Le ministère. Ça fait mieux de dire Borloo. C'est plus... Je sais pas. Le ministère de qui? Bah, de l'écologie. De l'écologie. Ah, 10. De Borloo. 10 cuisiniers? Non. Plus. Plus? Beaucoup plus. 30 cuisiniers. Plus. C'est une blague. 50 cuisiniers. Un tout petit peu moins. 45. 48 cuisiniers. Quoi? Mais pourquoi faire? C'est le ministère de la cuisine, c'est, en fait. C'est Kouchner. C'est Kouchner, ça. Ah, c'est Kouchner qu'on a 48. C'est Kouchner, le Borloo n'a un peu moins, il en a qu'une trentaine. Ah bah oui, ça va. Non mais c'est dingue. Je sais pas, ouais, parce qu'il a mis le reste. Qu'est-ce qu'il foute? C'est-à-dire que tu peux même pas dire, allez, un cuisseau par jour, non? Non, non, non. Bah, je sais pas, d'ailleurs, beaucoup de réceptions. Mon avis, chez Borloo, il y a pas mal de réceptions. Ah, ouais, il doit faire des ça. Pots assez souvent. C'est un droit, elle devrait kiffer, hein, 48 cuisiniers. En fait, chez Borloo, il y a 30 cuisiniers. Ça dépend de quoi faire, hein. Et 10 sommeliers. Pour faire la cuisine. Non, pour nettoyer par terre. Non, c'est vrai, elle a raison dans le sens que t'imagines, t'as 25 cuisiniers, c'est pour qu'ils te donnent à bouffer des haricots verts. Non, mais le problème, c'est que quand t'as les cuisiniers, il faut les payer. Ça, c'est la première chose. Ils s'en foutent, c'est toi qui payes. Oui, oui, je sais. Mais après, il faut aussi payer la bouffe. Ils s'en foutent, c'est toi qui payes. J'ai compris, mais je te parle pour nous. Si on avait des cuisiniers comme ah ça, non, nous on peut payer pas, mais... et le cuistot et la bouffe. Oui, mais on paye à Borloo pour qu'il en ait. Ouais, ah oui. Et qu'il en ait beaucoup. Ah, je rappelle même. Que le restaurant 3 étoiles le moins cher de Paris, c'est l'Assemblée nationale. Hein. 10 euros le repas, un truc comme ça. C'est pour eux. Oui, pour eux. Pas pour nous. Ah non, non, mais non, t'as pas le droit d'y aller. Ouais, d'accord. Ça. Bon, on va essayer de le rappeler, Nathalie. Ouais, pas de problème. Et sinon, on va un peu patienter. Ah, déjà ça sonne. Parfait. Vas-y, Nat. Lui que tu l'aimes. Ouais, c'est pas gagné. Hein. Oh là là. T'as eu des vieilles casernes. Bonjour. Oh putain, il est relou, il est relou. Qu'est-ce qu'il est relou tu alors? Tu peux pas le laisser en entier ce répondeur. Si tu veux. Bonjour. Allô. Non. Allô. Allô. Allô, allô. Elle reconnaît la voix de son chéri. À la sonnerie. Oh, putain, elle reconnaît la voix de son chéri à la sonnerie. Ouais. Oui, j'ai dû quand même, ça arrive. Bon, bah c'est mort. Hein. Attends. Bonjour, ici la brigade des sapeurs-pompiers. Votre correspondant est actuellement accroché au sommet d'un réverbère. Oui. Et nous pensons qu'il a absorbé des produits illicites. Alors on est en train de le descendre. Vous pouvez lui laisser un message, il vous rappellera quand on l'aura descendu. Ah ben, ça y est, visiblement, on l'a descendu. Après votre message, faites le 1 pour plus d'options. Alors ça c'est drôle parce que c'est quand même le message qui va pile poil avec le délire. Non, ce qui est drôle, c'est qu'il a payé pour avoir ce message. Oui, ça aussi. Bon, Nicolas. Bah tu peux pas me répondre, c'est le répondeur. Ah, en con, fait, c'est Mickaël qui est en direct à la radio sur l'énergie, tu nous as flagué notre jeu. Hein. Ah, tu nous l'as baisé notre jeu. C'était le chéri, je t'ai fait cocu. Bon, Nathalie, excuse-toi et dis-lui que au lit, tu feras ce que de ce qu'il veut pendant la prochaine année. Ouais, voilà, désolé mon cœur. Hein. En plus, t'es pour gagner. Ah. Elle a dit désolé mon cœur, elle a pas dit ton truc. Ouais, mais c'est qui ne dit mot qu'on sent. Et ouais, c'est dommage. C'était pour gagner soit un écran LCD 32 pouces, ou un caméscope, ou un disque dur multimédia enregistreur, ou une radio Wi-Fi, ou des lecteurs voilà, DVD. Mettez-lui encore plus les boules. Ouais. Bah oui. Voilà. Bah c'est surtout toi qui vas avoir les boules quand tu vas voir qu'il est à la maison en train de tout niquer avec une grosse massue. Oh là là là là, la violence. Oh la violence. Eh non, il est au boulot. Au pire des cas, il crache dans les plats des mecs qu'il va servir, mais ça c'est pas grave, on va pas manger. Ah, je suis dégoûté. Bah écoute, je suis désolé, hein. Bah ouais, bah moi aussi, vous avoir pourri le jeu, désolé. Hein. Bon, c'est pas grave, tu sens d'habitude. Bon, bah salut Nathalie, gros bisous. Bonne soirée, bisous. À bientôt, salut. Je te renvoie quand même chez Michel au standard. Hein. Ok, ciao. Ciao, ciao Nat, et puis bon, bah salut à Nico aussi. Hein. Merde, j'ai raccroché avec Nat. Autant pour moi. Micha, et il discute, blablabla. Faire, hein, oh. Mais oui, mais en flag le Micha. C'est-à-dire que il y a une fille qui est là en fait pour voir un petit peu comment fonctionne l'émission. Ah, c'est mon nouveau style. On n'est pas assez. Avoue que Micha. C'est ça. Micha, oui, alors c'est-à-dire que effectivement donc tous les soirs j'arrive effectivement vers 21h. Non, vers 14h. Vers 14h professionnel, bien sûr. 18h30. Alors, c'est-à-dire que oui, alors, c'est difficile de travailler avec une équipe de comme eux, n'est-ce pas, parce que bon, c'est un petit peu compliqué. Moi-même je suis beaucoup. Moi-même, je suis sous-payé alors que j'ai un talent extraordinaire. Bon, vous comprendrez bien qu'effectivement... Quoi, ça c'est, oui, c'est ton téléphone, je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà. Ça marche. Oui, mais pourquoi tu décroches pas le téléphone? Oui, alors bah, ça, c'est pas mon métier. Ouais. Alors, je ne suis pas standardisé, je ne sais même pas comment fonctionne cette machine. Moi, je fais la com. Voilà, moi, je fais la com. Hein, enfin, ce qu'on me laisse faire en com, c'est-à-dire parce que, ce que je peux faire ici. Voilà, ce que je peux faire. Hein, voilà. Bon, Micha, il va falloir rappeler des mails pour jeûner. Oui, oui, oui, bah, oui. Oui, bah oui, oui, oui, bah au moins travaille un peu. Hein, ça oui, mais je travaille pour lui qu'il a une touche. Répond à des questions. Il fait de la com là, hein. Quick Bis, il a qu'à appuyer dessus. Tu connais Micha Bis? Bis quoi? Bis, ah tu connais pas. Non, je suis pas Bis. Non. Merde. Quoi? Standardiste, il connaît pas Bis. La touche Bis. Ouais, tu... Combiné. Combiné. Non, il a un casque, il a un casque. Non, il a un casque, il a un casque, c'est vrai. Mickaël, le podcast. Bon, on aura dans un petit instant le mag du jour également, un petit peu comme chaque soir. Et puis je vous en parlais justement. Premier supermarché de l'amour qui vient d'ouvrir ses portes à Pékin. Ah ouais. Et ouais. Et alors il dit vendre seulement de l'amour et rien d'autre et propose à chacun de trouver l'âme sœur en faisant ses courses. C'est-à-dire en fait t'as des meufs emballées sous vide et puis tu vas les chercher. Non, c'est pas ça. Donc en fait dans les rayons justement du magasin c'est un petit peu particulier. Alors, on dispose de centaines de fiches de renseignements sur les individus célibataires. Et alors sur ces fiches sont indiqués le sexe, l'âge, le nom ainsi et ça c'est beau, ça m'intéresse Sandro. Le salaire des personnes célibataires qui ont accepté d'apparaître dans le supermarché. C'est le plus important, le salaire. Donc t'arrives et tu vois combien la personne gagne par mois. C'est pas mal. C'est pas mal. Très c'est bonne pas idée. Mal. Par contre, en France, on a un magasin comme ça. Hein. Enfin, tu remplis pas une fiche, mais enfin, c'est à Paris en tout cas. Mmh. T'as les paniers rouges et les paniers verts. Et les paniers rouges, c'est pour les célibataires. D'accord. Donc ils peuvent se draguer dans les rayons dès qu'ils voient les mecs voient une nana ou une nana voit un mec avec un panier tu rouge. Fais tes courses là-bas, toi ? Ah oui, j'ai entendu parler de ça. C'est vrai. Non, j'avais ça. Entendu parler. Jamais été. Ah d'accord. Si, j'y suis allée. Mais j'avais oublié. Pas remarqué que c'était ça. Mais j'avais j'ai un panier pas arrêté vert. De me faire draguer. Non, j'avais un panier vert. Et panier vert, c'est quoi? Je me faisais draguer quand même. Ouais, bon bref. Et donc une fois que toutes les informations ont été lues, donc reste au client hein, entre guillemets de faire son marché, de choisir la personne qui paraît lui convenir. Une fois le choix effectué, le magasin se charge alors de contacter la personne figurant sur la fiche et de la mettre en relation avec le client. Et donc voilà, bien évidemment, la dernière prestation est payante. Ouais. Par contre, on ne sait pas combien, mais cher. Alors ça évidemment c'est un problème. Et l'idée est pas mal, hein, c'est sympa quand même. Bah oui, pour c'est le vrai nombre que... de gens qui ont du mal à se caser. Enfin c'est juste une agence matrimoniale grande échelle. Ouais. Oui, oui, en fait c'est le hard discount de l'agence matrimoniale. Sauf que tu te déplaces pas une soirée spéciale, un samedi soir ou un vendredi soir, là c'est les courses, tu y vas assez régulièrement. Donc, oui, c'est vrai. Mais enfin bon, cela dit, comme disait Sandro, ils sont peut-être un petit peu en retard, puisque en France, ça fait un moment qu'on a des supermarchés qui font la même chose. Et encore, les nôtres, ils vont beaucoup plus loin, ils ont carrément des femmes en rayon. Et le week-end dernier, je suis allé faire quelques courses et il se trouve qu'il y avait un animateur de supermarché, écoutez. Bonjour messieurs, bienvenue dans vos magasins cartouches. Quel animateur. Aujourd'hui, grande promo exceptionnelle sur toute la gamme des saveurs venues d'ailleurs. Oh. Si vous voulez épicer un peu votre vie sexuelle, si vous souhaitez voyager le temps d'une soirée, je vous conseille ces magnifiques baguettes de Polynésie. Les miches sont fermes, la chair est tendre, il n'y a quasiment pas de croûte, mais la peau est dorée. Profitez-en, c'est une vente flash qui ne dure qu'une minute. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Ah, et comme quoi vous voyez, c'est pratique. Hein. Même là-bas, il y a des petits animateurs comme ça qui sont là, qui font la promo de leurs produits. Il doit certainement y avoir des jeux, mais il y avait aussi une promo là. En promo également aujourd'hui, un article d'occasion qui a cependant très peu servi. Une magnifique gourde produite en série en Europe de l'Est. Cette gourde a été trouvée sur un trottoir parisien et elle nous a gentiment été ramenée par une bonne dame, en même temps qu'une boîte de maquereau. Alors ne vous inquiétez pas, on l'a nettoyée, on a vérifié son étanchéité, on a fait des tests, il n'y a plus aucun microbe dessus. Messieurs, cette gourde d'Europe de l'Est, je vous la fais non pas à 50 euros, non pas à 40 euros, mais à 30 euros seulement. La demi-heure. Avec en prime cette lanière en cuir qui vous permettra de la maintenir accrochée à votre ceinture. Voilà. Ce qui est quand même une promo relativement intéressante. Bah, hein. C'est intéressant. Non, c'est 30 euros la demi-heure, c'est bien. 30 euros la demi-heure, ça va, ouais. Est-ce que tu fais goûter aussi des échantillons ou pas? Non. Non, tu fais pas. Non, non. Il fait pas de goûter de gens. Bah non, il est pas là pour ça en même temps. Hein. Par contre, et ça c'est fort aussi, puisque vous savez que dans les grands carrefours, etc., enfin dans les grands magasins, il y a des rayons aussi par nationalité, par pays. Et là aussi, visiblement, il y en avait un rayon européen. Oui, on me signale que le rayon belge est épuisé alors qu'il n'est que 10h du matin. Il n'y a pas à dire, hein, ils sont forts nos amis belges. Il n'y a plus de blondes, plus de brunes, ni de rousses. Bon, faut dire aussi que c'était du 12 ans d'âge. Hein. Oh. Par contre, le rayon sud-américain est toujours bien fourni. Lui, il a un peu moins de succès ce matin. Alors écoutez bien ce que je vous propose. Je ne le répéterai pas deux fois. Pour une brésilienne achetée, une brésilienne offerte. Oui monsieur, les brésiliennes c'est un peu comme les Kinder. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Sur les deux, vous aurez peut-être la chance d'avoir une vraie femme. Qui sait. Au niveau des Mexicaines, vous pouvez y aller. Elles sont garanties sans flatulence odorante. Elles ont été nourries au chili con carne avec des haricots génétiquement modifiés. Et en ce qui concerne les Colombiennes, c'est satisfait ou remplacé par un kilo de coco. Mais attention à deux, c'est de la pure. Ah bah encore heureux, effectivement. Bon, donc voilà, on essaiera de vous renseigner bien évidemment sur l'adresse de ce supermarché. Et attention, il y a la vente flash. Mais la vente flash va se terminer dans le secteur Polynésie d'un instant à l'autre. J'ai vu un monsieur repartir tout à l'heure avec trois articles à lui tout seul. Croire qu'il n'a pas été insensible au goût de la vainée. Ah, c'est quand même gonflé. Vainée. Plus que 10 comptes de promo dans le courrier, messieurs, et jetez-vous sur les derniers modèles disponibles. Il me la reste en petite taille, en grande taille, avec ou sans capote. Le modèle auto-lubrifié est en option pour 1€ de plus, je le rappelle. Enfin, dans le coin des bonnes affaires, je signale ce lot de jeunes auvergnates, appellation d'origine contrôlée. Si elles sont à moitié prix, c'est que les gens pensent souvent qu'elles nous viennent du Maghreb. Ce qui est totalement faux. Monsieur Hortefeux lui-même a supervisé les contrôles. Voilà, les magasins cartouches espèrent que vous trouverez votre bonheur chez nous et vous souhaite une excellente journée en utilisant nos marchandises. Merci. Très bien, ben voilà, donc c'était les magasins cartouches. Oui. Et si le monsieur a toujours besoin de quelques échantillons, nous avons 2-3 clitoris à déguster. Ah bien, avec des petits cure-dents. Bah, ouais, si en salade, pour pas salir les doigts. Bah, si c'est à déguster, alors hein, j'ai envie de dire de qu'on se plaint. Quoi. Bah c'est vrai, ce serait dommage de passer à côté d'une petite dégustation, hein. Voilà, une petite tarte au poil pour voir. Mais bien sûr, évidemment. Bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure de cette magnifique invention qui risque de faire, à mon avis, un petit peu de bruit quand même. Ah hein. Bah moi je vais y aller. Hein, de... Oui, bah le contraire m'aurait donné. Ce que t'as pas compris, c'est que c'est un supermarché de l'amour. C'est pas un supermarché du cul. C'est ça, ouais, c'est l'amour. J'y vais pour l'amour. Ouais, pour l'amour de la femme. Qu'est-ce qui t'arrive? Pas convaincu de ça par contre. Et l'amour de son cul. C'est ça. Michael, le podcast. Bon, il est temps maintenant de passer au Mac du jour. Bienvenue dans ce Mac du jour, un tour de l'actu condensé et revient notre sauce. Et le premier titre dans l'actualité de ce lundi 30 novembre 2009, c'est l'écologie. Ah. À une semaine du sommet de Copenhague sur le changement climatique, le salon des vignerons indépendants qui se tenait jusqu'à ce soir à Paris a organisé une séance de dégustation pour illustrer l'impact du réchauffement de la planète sur le vin. Assèchement des sols, manque d'eau et températures plus élevées menaceraient en effet le goût du vin. Ouais, mais on comprend pourquoi Borloo se bat autant contre le réchauffement climatique du coup. C'est ça. Et puis ça a fait la une du Parisien aujourd'hui en France, alors que le nombre de suicides fait polémique à France Télécom. Un document interne révèle que l'entreprise a réclamé à ses médecins du travail de lui donner le nom des salariés fragilisés. Une démarche qui provoque la colère de la profession. Déjà 10 médecins du travail ont démissionné. Bah ouais, c'est normal qu'ils soient pas contents. C'est important le secret médical, ça se fait pas. Ouais, enfin moi je vois pas où est le mal, hein. Il veut juste savoir qui est susceptible de se foutre en l'air. C'est... Ah d'accord, ce serait pour les aider à s'en sortir alors. Bah non, ils veulent juste abréger leur douleur, hein. Une petite mutation, une corde et hop là on n'en parle plus. Oh. Ouais. Et c'est aujourd'hui qu'a débuté la 25e campagne des Restos du Cœur. Malheureusement, on s'attend à un afflux record de démunis, dans les centres de distribution, notamment dans les campagnes où la crise frappe de plein fouet. Allez, viens là la crise, viens me voir. Et avant de passer aux infosports, on fait un tour par le con du jour. Le con du jour est américain. C'est un voleur très particulier, il est toujours recherché par les flics, et c'est le con de Sandro. Ouais, alors mon con, il est vraiment très con pour le coup, parce qu'il a décidé donc de cambrioler un appart, donc on s'attend à ce qu'il vole des bijoux, de l'argent, voire une télé, un grille-pain, pourquoi pas, dans le pire des cas. Déjà, il est un peu con s'il vole un grille-pain. Mais non, elle dit dans le pire des cas. Prend un risque insensé, il décide de commettre son vol devant les locataires. Une mère et ses deux gosses en fait, et si mon con a pris tous les risques, c'est pour voler d'après vous? Je sais pas, si c'est volé. Eh ben il a volé la mère. Je sais pas. Une maman. Une dinde. Ah oui, bah, n'était pas loin avec la mère. Non mais il faut pas oublier que jeudi c'était Thanksgiving. Oui, c'est vrai que c'était Thanksgiving. Comment? Thanksgiving. Non. Ouais. Thanksgiving. Voilà. Dis donner le merci, c'est là aussi. Bien. Donner le merci. Non mais prendre d'aussi gros risques pour voler une dinde, c'est chaud quand même. Hein. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui prendrait des risques pour te voler. Et donc là, s'il vivait au Texas, par contre, il risque la peine de mort quand même. Sérieux donc, ah oui, ouais. Oui, bah oui. Heureusement, il a volé la dinde sans aucune violence. Ouais, ça va, et la dernière info quand même, la police recherche toujours un homme d'environ 1m80 chauve. Et pesant approximativement 150 kilos. Ah, ils l'ont pas retrouvé le mec encore. Bah écoute, en tout cas, Polo est pas loin du descriptif. Ah ouais, putain, c'est vrai ça. Bon bah merci Sandro pour ce con. Bah, je vous en prie. Très bien, et puis sport maintenant, c'était le week-end des gros matchs partout en Europe. Arsenal, Chelsea, Real Madrid, Barcelone ou encore Lyon-Rennes. Ouais. Ouais. Bon alors même si Real Barça n'était pas extraordinaire, on a pu se régaler Barça, un peu plus tôt dans l'après-midi. Qu'est-ce que j'ai dit ? Real Barça, ah oui, Barça Real, pardon. Ouais. Donc on a pu se régaler un petit peu plus tôt dans l'après-midi avec la victoire de Chelsea sur Arsenal 3-0. L'homme du match, encore une fois, Didier Drogba, évidemment. Deux buts marqués, plus un où il pousse son adversaire à marquer contre son camp. Plus que jamais en première ligue avec l'Ivoirien, c'est la mode du coupé décalé. Ouais. Yeah. Alors qu'en Ligue 1, c'est plutôt l'heure du coupé fracturé. Coupé fracturé. Bon, et puis en course automobile, on en parle rarement et pourtant, il se passe des choses. Hier, c'est sous une pluie battante que Sébastien Loeb et son épouse se sont imposés au volant d'une Citroën C4 dans le 55e rallye du Var au terme des trois dernières épreuves spéciales disputées près de Sainte-Maxime. Madame Loeb fêtait là sa première victoire avec son mari. Ouais, c'est comique, c'est elle son copilote en fait. Qui eût cru que Madame Loeb aimait l'asphalte et le bitume. Ouais, ouais. Mais apparemment c'est toujours la boîte qu'elle préfère. Oh, oh là là là. Attention, grosse vanne musicale des années 80 tof. En gros, si vous avez moins de 28 ans, vous ne pouvez pas comprendre. C'est pour ça qu'on n'a pas compris la vanne. Voilà. On passe au petit truc du jour, il s'agit d'un conseil architecture d'intérieur. Ah ça c'est intéressant. Voilà, si vous. Excuse-moi, mais parle pas. Non, moi je me la reste en disant que tout va bien. Ne parle pas. Ça a l'air d'aller mieux, ouais, effectivement. Ouais, parce que je sais que dans une heure je suis au lit. Ah c'est pour ça. Enfin, avec sa tisane et son grog, tu sais. N'est pas loin, ouais. Bon, donc si vous n'avez pas assez d'argent pour changer vos meubles, même Ikea c'est trop cher pour vous, eh bien nous avons la solution. Faites comme ces deux jeunes de l'Isère qui ont trouvé la solution. Voler des panneaux de signalisation. Alors un petit sens interdit par là, un stop, une interdiction de stationner par l'autre, enfin de l'autre côté. Et faites-en des tables. Alors mais vous pouvez aussi voler des bancs publics et d'autres choses pour en faire des chaises, des tabourets ou une table de chevet. Avec un peu d'imagination, vous pourrez refaire tout votre intérieur pour 0€. Et pour ceux qui diront que c'est illégal et interdit, rappelez-vous que tout ça, c'est un peu vos impôts. Donc ce n'est pas vraiment du vol, c'est juste un une récupération de ce que vous avez. Et vous savez, tu sais de quoi tu parles. Comment? Tu sais de quoi tu parles là. Tu te rappelles pas? Tu parles de la cuisine. Ah ouais. Le sens interdit qui est collé au mur. C'est un vrai sens interdit, hein. C'est pas un truc acheté dans une boutique. Hein. Oui, oui. Pour ma c'est décharge. C'est pour ça qu'il donne l'info du jour. Hein. Pour ma décharge, je n'ai pas piqué le panneau sans interdit, sur un Toff le faire. Non, c'est pas vrai. Il n'était pas, il n'était pas fonctionné. Il était par terre déjà. Ouais, il était déjà tombé. Je l'ai fait que le récupérer. Suite à la tempête. J'ai fait que le récupérer. Oui. C'est tout. Tu aurais pu le rapporter. Oui, alors là, ça va, je suis pas non plus pas abusé. Mère Teresa. Je suis pas abusé. Non, faut pas abuser quoi. Bon allez, passons maintenant au quiz du jour. Attention, c'est parti. Qui a dit ? Je suis passé du 42 au 38 et je ne me sens pas mieux qu'avant. Sandro. Non, c'est pas ça. Non, parce que je suis passé au 36, moi. Amel Ben, bonne réponse, qui ajoute « Reprendre du poids ne me poserait aucun problème. Je ne fais pas de sport, je suis très branché malbouffe, je suis une bonne vivante. » Ça nous rappelle quelqu'un. Ouais. Qui a dit « J'ai révolutionné le porno. » Rocco Siffredi ? Non. Hugh Hefner ? Ça va être Katsumi ? Non. Katsuni ? Non. Giant Cuckoo ? Non. Lady Gaga ? Non. Hugh Hefner ? Ah bah non, je viens de le dire. L'autre là, qui est dans sa chaise roulante, Larry Flynn. Christopher Reeve. Non. un indice hein. Petit indice, ouais, effectivement. Et mauvaise question d'ailleurs, enfin mauvais indice. What's my name ? Snoop Dogg. Eminem. Snoop Dogg, bonne réponse, qui se vante. J'ai gagné 4 prix récompensant des films pour adultes. J'ai fait des records de vente de vidéos. J'ai apporté un nouveau style au tournage et à la musique du monde du porno. J'ai changé les règles du jeu. Voilà. Il est con. Et puis la dernière, qui a dit un jeune homme a forcément des besoins et s'il ne peut pas les assouvir avec la femme qu'il aime, Jonathan. Il faut bien qu'il trouve un moyen. Pardon. Émilie, elle s'appelle Sabrina. Non, c'est Sabrina. Sabrina, c'est une bonne réponse. Ce point qui s'échappe. Deux Secret Story. Sabrina de Secret Story qui accepte que Jonathan couche avec d'autres filles. En revanche, il faut que cela reste discret. Elle est très bien cette fille. Alors, en même temps, je crois qu'Emilie, elle est un peu comme ça aussi. Ah ouais ? Ouais, je crois qu'elle avait déclaré un truc dans le même esprit, genre ouais, on n'habite pas ensemble pour pouvoir voir d'autres gens. Ah ouais. Bah, c'est bien. Oui, c'est un bon plan. Bah ça dépend, quand t'es le mec, oui. Bah la meuf elle a accepté, donc voilà, tant mieux. Ah bah c'est trop tard après. Ouais, hein, ça, de toute façon, sûr, hein. Sabrina, au moins lui, il est sûr qu'il n'y a personne qui passe dessus. Ça c'est moi qu'on puisse dire, effectivement. Bon, c'est tout pour le Mac du jour, un autre Mac du jour, un autre jour. Michael, le podcast. Oui, on en parlait tout à l'heure là de ce fameux supermarché de l'amour à Pékin. Mais ouais, mais c'est débile comme truc en fait, c'est mythique mais en supermarché en fait. Attention, hein, tant pas dire nous débiles. Hein. C'est malin, ouais. Bonsoir Ping et Pong. Bonsoir. Vous trouvez le supermarché de l'amour idée débile alors? Non, c'est pas moi, c'est Roux. Oh là là, quelle balance. Pourquoi t'as trouvé ça débile? Tu veux qu'on s'explique? Mais non, je dis juste que je vois pas l'intérêt par rapport à cet internet, quoi. Tu crois que tout le monde, il a internet, t'es lui? Bah, dans vos pays, là-bas, vers l'Est, là, quand même, ils ont tous oui, internet. Oui, oui, oui, nous, avoir technologie de pointe, mais pas argent pour payer l'abonnement internet. Oui, ça, ça c'est sûr. Du coup, on a très bonne idée. Mais je comprends pas, Ping et Pong, là, c'est vous qui avez lancé ce supermarché? Oui, enfin, tes cousins à nous. Oui, Maître Pong, il s'appelle. C'est lui qui a eu idée supermarché de l'amour. Mais pourquoi? Enfin, je veux dire, d'où lui est venu l'idée, quoi, c'est ça? Il a volé, il a copié. Mais non, tu comprends rien. Tu sais, t'es nous, les gens, en fait, ils font que travailler. Oui, oui, oui. Travailler. Oui, alors quoi? Bah, après travail, jouer jeux vidéo. Et après jouer jeux vidéo... Travailler. Non, il me faut les courtes. D'où le supermarché. Ah, d'accord. Bah, je comprends maintenant. Oui, les gens pas beaucoup parlé, pas beaucoup de chance de te rencontrer partenaire. Oui, alors en plus chez nous, pas très beaucoup faire du sexe. Bah, et les geishas? Et les filles faciles en Thaïlande? C'est Japon, geisha. Oui, oui. Allez, bon, c'est pareil. les filles font beaucoup l'amour, mais les hommes, trop petits. Trop petits? Trop petits quoi? Trop petits kiki. Tout rikiki kiki. Hein, du coup, obligé de trouver femme désespérée pour faire du secte. D'où le supermarché. Monsieur, supermarché. C'est un malin, votre cousin. Hein, merci beaucoup. Et ça rapporte de l'argent? Ah, t'es entré libre. On fait payer que pour les rencontrer femmes. Bah, alors, vous êtes des macs? Un peu. Ça se passe comme ça chez le mac. Et bon, il est riche, référence en fait, votre cousin? Pas encore, mais il a tout prévu. Oui, t'es un enfant né de l'union de nos clients. C'est là que ça rapporte de l'argent. Promo. Bah, c'est-à-dire? Tout ce qu'il gagnera dans sa vie, l'enfant, il nous le reversera à hauteur de tant pour tant. Mais c'est une escroquerie, arrête de demander le gosse. Non, c'est du capitalisme. Putain, et non, ça vous arrange, hein. S'occupe de vos conneries, hein, je vous le dis. Hein. Oui, t'es bien. Ah, le rire de chien. Un rire de merde, on ne peut même pas mettre. Oui, mais c'est pas grave. Si vous nous faites chier, vous, plus de chaussures, plus de vêtements, plus d'ordinateurs, plus de voitures, plus rien, fini. Ouais, là, par contre, c'est vrai qu'on est dans la merde. Oui, bah, on vivait très bien sans tout ça avant. Eux aussi, ils sont dans la merde. Hein. Aussi, oui, ouais. Ok, bah, si t'es comme ça, restez dans votre merde alors. Et nous, pendant ce temps-là, on va conquérir le monde. Ouais, bah, je préfère même pas vous répondre, Ving et Pong. Allez, bonne soirée, et au revoir. Hein. Au revoir, au revoir. Ouais, bonne soirée. Ouais, c'est ça, ouais. Bonne soirée, on se terre une bonne poignée de nems? Non. Dommage. Allez, t'es con, hein, t'es des vannes de merde. Allez, au revoir. Oh là là. Bon, bon. Bon, parlons d'âge de choses que Ping et Pong ne maîtrise pas, le foot. Attends, j'étais au Parc des Princes ce week-end. Une défaite. Tu me dois 50 euros. Pourquoi je te dois 50 euros? Parc des Princes, 50 euros. Ah oui, c'est vrai. Non. Arrêtez avec votre jeu, vous m'emmerdez là avec votre. Bah oui, mais il va shoot off. On fait un Monopoly PSG. Non, et en fait, il y avait la nouvelle pub de Nike pour les. Enfin, c'est pas vraiment nouvelle, pour les Mercurial Vapor. Vous avez jamais vu cette pub? En fait, ils sont en train de. Ça, c'est une paire de chaussures. Oui, pardon, ouais, c'est vrai, je suis con. C'est une nouvelle paire de chaussures. Et en fait, vous voyez les mecs qui la font, quoi. Et les mecs sont toujours de dos. Toute la pub, c'est la construction de la chaussure. D'accord. Ouais. Et les mecs sont toujours de dos. D'accord. Et pas jamais c'est des chinois, les petits chinois. Ouais, jamais. Et je me suis dit, putain, c'est dommage. Enfin bon, bref. C'est peut-être pas les petits chinois. Peut-être des petits indiens. Ouais, petits taïwanais alors. Mais par contre, vu leur taille, ils doivent pas être très vieux. Ouais, c'est clair. Peut-être, c'est vrai. Alors, niveau de la Ligue 1, Lyon. Alors bon, bah Bordeaux premier, on va pas refaire tous les résultats. Bordeaux premier du championnat. Lyon deuxième. En troisième, c'est Auxerre qui a perdu contre le Paris Saint-Germain. C'est dommage, hein, ils étaient bien partis, ils sont restés qu'une semaine en tête. Oui, mais c'est déjà pas mal pour la GIA, hein, quand même. Oui, mais peut-on mais c'est dommage. Parler du classement du Paris Saint-Germain? Le Paris Saint-Germain est 12e. Ah putain, gagner pour prendre une place? Ouais, c'est vrai. C'est nul, autant ouais, perdre. En fait, autant perdre. Et Lille, ils ont gagné 4-0, Sochaux a gagné, Lens a gagné, donc tous les clubs qui sont à Marseille côté de, a perdu. À côté de Paris, ouais. Et tous les clubs c'est dommage pour eux. Hein. Tous les clubs qui sont à côté de Paris, en fait, sont comme ils ont gagné, t'as pas d'écart entre les deux, quoi. Ah bah oui, si je peux te donner une barrière psychologique, c'est de dire que le PSG est deuxième de la deuxième partie de tableau. Oui, non, ça sert à rien. Ça. Non, mais ce qu'il faut se dire, c'est bon, ça c'est après, c'est la Ligue 1. Mais Paris est 12ème et on est au final qu'à 9 points. Ah, quand même. Ah oui, quand même. On est qu'à 9 points du premier. C'est le truc qui rassure pas du tout. C'est, on est qu'à 3 victoires du premier. C'est pas la lue. Sachant que la semaine prochaine, on va à Bordeaux. Rien d'insurmontable. Avec, quoi. Ouais. Ce qui est, par contre, ce qui était insurmontable, c'était la blessure de Coupet. Je sais pas si vous avez vu les images. Ah, c'est horrible. Moi, j'ai vu. Ouais. C'est horrible. Alors, j'ai mis la vidéo sur mon blog. Moi, j'étais dans le stade quand ça arrivait. J'ai vu la jambe de gauche de Coupet qui s'est coupée. Ouais, enfin, je sais même pas comment dire, quoi. C'est tordu. Et bon, elle s'est blessée comme il faut, quoi. Elle s'est mise dans un sens et lui, il est parti dans l'autre. Ah, voilà. Elle s'est coupée en deux. Mais bon, en même temps, il est gardien, on s'en fout de sa jambe. Oui. Ouais, mais enfin bon, après, ouais, c'est ça. Quand même une jambe d'appui, quoi. Qu'est-ce qu'il a foutu? Bah, en fait, il a voulu dégager la balle pour pas qu'elle aille en corner. Et en fait, en posant le pied par terre, si tu veux, comme il pleuvait, ils avaient mis des gros crampons. Enfin, je suppose que c'est ça. Et donc, les crampons ont tellement bien marché que sa jambe est restée plantée dans le sol. Et tout son corps est allé vers l'avant. Sauf que si ton corps va vers l'avant mais que ta jambe reste plantée, bah ça casse. C'est là que tu vois que c'est vraiment la lose en novembre au PSG, parce que c'est le seul transfert de l'année. Ils l'ont plus pendant 6 mois. Oh, c'est des mauvaises langues, il y a Erding. Mais il marque pas. Donc. Mais le pire attends, c'est. Va sur mon blog, Mike, regarde le truc en direct. Attends. Le pire, moi ce que j'ai trouvé horrible, c'est je crois que c'était Canal+ qui diffusait le match. Et en fait. Pendant genre, mais je sais pas, une bonne minute, ils t'ont remis sous tous les angles, au-dessus, en dessous, sur le côté. Ouh là là, oui, c'est cassé. Le truc, mais insoutenable, quoi. Mais surtout que c'est dommage parce qu'ils avaient quand même pris quelqu'un qui. Ils avaient pris un bon gardien, ouais. Un vieux, surtout. Hein. Bah, non, mais alors, c'est dégueulasse ce que j'ai lu parce qu'il a fait une conférence de presse aujourd'hui à 17h et il parlait du médecin, donc il voulait remercier Eric Rolland, le médecin du PSG, qui a dit sur le terrain, il a remis ma cheville en position. Ah. Alors, quand tu vas voir, t'es sur la vidéo là? Oui. Non, ça marche pas? Non. Mais alors pour quelle raison, je vais te l'expliquer. Cette vidéo n'est plus disponible suite à une réclamation pour atteinte aux droits d'auteur soumise par PSG. Putain, ouais, qui met des buts et après ils pourront venir se la ramener là. Ce qui est drôle, c'est que je l'ai chopé sur un site qui s'appelle Eurotube. C'est un vieux site russe et tout. Bon, bah, et si tu tapes fracture coupée sur internet dans Google. Là, ils vont porter plainte contre moi le PSG là encore. Mais non. Et tu vas voir la vidéo. Et quand tu vas voir qu'on lui a remis la cheville en place sur le terrain. J'ose même pas imaginer la douleur que ça et le bruit que ça a dû faire. Je me baffe dessus, dis donc. Je pense que ça fait pas si mal que ça. Au moment où tu as la fracture, t'as une grosse décharge d'adrénaline en fait, justement pour calmer la douleur. C'est-à-dire que quand t'as une fracture, en fait, elle te fait mal, mais pas tant que ça. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui dit qu'au final, il a pas vraiment senti la douleur. Ah, je suis dessus là. Ouais, c'est ça. Tu t'as pas vraiment mal en fait. Ah ouais, t'as la bonne image en plus. Oh, regarde, regarde. C'est horrible. Oh là là, c'est horrible, c'est horrible, c'est insoutenable. Attendez, on met du son. Attendez. Attendez, je vais mettre plus fort. Mais à fond de balle, hop. À voilà. Défaut d'avoir du show au PSG pendant les matchs. Un pied qui est complètement à l'écart. Regarde, c'est là. Regarde, on pas le bruit de sa cheville. Crac. Oh. Ah ouais, non, c'est horrible. Oh. Quel drame, je l'avais pas encore vu, j'avais juste entendu mais pas encore vu. Ah, et donc moi je l'avais. Et sur la civière il applaudit. Ouais, parce qu'en fait tout le stade, ça c'est beau, il en a parlé d'ailleurs. Et en fait tout le stade a gueulé coupé. Donc il était vachement touché, il l'a dit. Oh là là. Ouais mais non ouais, c'est ça, c'est moi ce que je trouvais horrible, c'est qu'il te remonte, cette image alors que tu vois que le mec il a souffert quoi. Ouais mais en même temps le temps de le soigner, tu veux montrer quoi comme image? Oui, non, c'est ça. Avec c'est un but à montrer. Donc. Oui mais. Bah, je sais pas, tu pouvais qu'il reste sur lui, mais non, t'es remontré cette image en boucle. Donc, du coup, tu la regardes pas, et puis c'est tout. Alors, donc, du coup, le PSG va prendre des buts, quoi. Il a dit, je sens, il explique l'action. Il dit, je sens la torsion, mais je ne ressens pas plus que ça la douleur. C'est quand je vois ma jambe que je réalise. Ah ouais, parce que la jambe est de travers. Hein, elle a une gueule. Enfin, le pied, en fait, à la place d'être droit, il tire la gueule, il est. Bah, tu vois vraiment que le pied part dans un sens et qu'il retourne dans l'autre quoi. En gros il montre sur le gros horloge, il montre 15 minutes quoi. Non mais on se fait pas trop de soucis. Mais lui s'il se fait un twister il va niquer tout le monde. Qui se rappelle du twister putain? Si. C'est les couleurs qu'il y a au sol et faut faire des figures. Si, moi je joue très souvent ça, par contre on est à poil mais. Et t'as pas de tapis. Ouais, c'est ouais, ça. Voilà. Non, il y a le gardien du PSG, le second gardien, il est rentré, il a fait une super 10 dernières minutes. Donc non, on va pas se faire de soucis pour les cages du PSG, elles seront gardées. Il faut rappelant que le gardien numéro 2, à chaque fois qu'il a joué pour le Paris Saint-Germain, Paris n'a jamais pris un but. Ah mais il aurait fallu le mettre définitivement. Il a pas joué beaucoup. Ouais, ah, en voilà, fait il a ça. Joué deux matchs hein, donc okay. Quasiment. Oui, quasiment. Bon, bah, d'accord, okay. Sinon, attention, grosse info, Grenoble a failli gagner. Mais ils ont perdu. Il y avait 2-1 à la 92e. Ah, c'est pas vrai. Et qu'est-ce qui s'est passé à la 92e? Bah, ils ont pris un but. de hors jeu. Le but était hors jeu. Et bah sauf que dans le cul Lulu pour, oh, putain. Pour Grenoble. Alors est-ce que mathématiquement ils peuvent se ressortir de la merde? Oui, techniquement, ils ont 3 points, Grenoble. 3 matchs nuls. 3 matchs nuls. Ce qui est quand même une belle prouesse quand on sait que les 12 premières journées t'es à 0. Oui. Là on est à la 15ème, ils ont 3 points, c'est le, pas mal. Le premier c'est pas une victoire. Non, c'est 3 nuls. Le premier non relégable c'est Saint-Etienne avec 14 points. Donc ils ont 11 points à rattraper. Ouais, va donc quand même, il va falloir gagner plusieurs fois d'affilée quoi. Va falloir se dépêcher. Est-ce que vous connaissez, je l'ai entendu hier à 100% foot sur M6, est-ce que vous connaissez l'hymne des Grenoblois? Ah non. Non. C'est bizarre. Nos valeurs et fiers, nos couleurs. Ça va. Un bonhomme libre et digne. Grand défenseur devant l'oppresseur de la Bastille. On dirait Bébé Brune. Moi j'allais dire, on dirait un vieux truc, c'est des années 80-90, Club Dorothée et tout ça. Oh non, ça va. Non, t'exagères. Ah, c'est mon avis, arrêtez de m'emmerder, je vous donne ce que je ressens. Oh après, le truc qui est relou, c'est qu'il n'y a jamais de refrain en fait. Oui, c'est vrai ça. Bah, tu peux écouter tout le morceau, il y a ça. Si, c'est ça le refrain. Ah, génial. Bah, je préfère encore celui de Paris. Ouais, avec. Le petit violon, c'est mignon. Mais le meilleur, je trouve. C'est celui de Marseille. Ouais, je trouve. Van Halen. C'est Liverpool, je cherche pas. Je trouve. Ouais, Liverpool aussi. C'est quoi Liverpool? You'll never walk alone. Ah bah oui, voilà. Alors, tiens, écoutez. Quand tu les entends chanter ça, tu prends des frissons quoi. D'accord. Alors par rapport à Grenoble, ils ont leur équivalent en NBA en fait, donc en basketball américain. C'est les New Jersey Nets. Ça fait 17 matchs qu'ils n'ont pas gagné. C'est quand même les boules parce qu'il y a quand même des gros enjeux aussi. Hein. Grave. Et tout à l'heure on parlait de cheville avec Grégory Coupet. Vous savez que c'était le grand retour hier de Cristiano Ronaldo pour le match Barça-Real et que le Barça a gagné 1-0. Et là il s'est cassé le genou. Non, mais vous vous rappelez, on avait parlé d'un marabout, ouais. D'un sorcier, qui disait que voilà, il lui avait jeté un sort et que c'est pour ça qu'il s'était pété la cheville. D'accord. Et ben là, il y a le sorcier que Cristiano Ronaldo. Ici un peu, non? C'est moi ou? Il y a le sorcier que Cristiano Ronaldo a engagé, qui est en train en fait de conjurer le sort puisque il est en train de travailler avec des prières, avec des trucs pour qu'il n'ait plus sa cheville qui soit blessée et pour que tout aille mieux. Donc il a fait une déclaration dans la presse et il a dit sa cheville ira mieux. Mais en convoquant les esprits, et là c'est un peu inquiétant, je me suis rendu compte qu'il allait devenir borgne dans quelques mois. Cristiano Ronaldo pourrait devenir aveugle. Très bien. Ah, écoute, hein, Borgne. Borgne. Ouais, voilà. Presque. À moitié. Un crampon dans l'œil. Peut-être qu'avec un seul œil, il placerait mieux ses ballons. Si ça se fait, il y a de quoi flipper quand même. Hein. Ah oui, ce mec-là, ouais. Le mec qui parle. Si ça arrive dans quelques mois réellement, quelques mois, ça peut être 150. Hein. Ouais. Il y a dit quelques. Après, je me rappelle d'un Paco Rabanne qui nous racontait que Mire allait tomber sur Paris. Il est pas marabout, c'est vrai qu'il était marabout. Non, il était quoi? Il était mage. Oui, mais il est styliste. Non, il se disait mage. Il est surtout camé. Hein. Et sinon, il y a une autre info, puisqu'on parle de l'Espagne. Ça, c'est, je l'ai vu dans ce foot. En fait, en Espagne, il y a plein de rues qui ont des noms franquistes. Parce qu'à l'époque, il y avait un dictateur qui s'appelait Franco. Et donc, ils sont en train de se dire, en Espagne, il faut rebaptiser les noms franquistes. Parce que c'est bon, maintenant, on n'est plus une dictature, on est une démocratie. Donc, ils ont voulu, à la Corogne, ils ont voulu redonner un nom d'une rue. Ils vous ont voulu donner le nom d'un joueur en fait de la Corogne qui s'appelle Diego Tristan. Et en fait ils se sont dit bon, on va prendre la rue où il y a le plus de boîtes de nuit et de bars. Parce que lui il passait son temps à sortir. Donc ils sont en train d'étudier vraiment l'idée. Ah, c'est drôle. La rue où il y a tous les bars et discothèques de la ville, ça s'appelle la rue Diego Tristan. C'est drôle. Et une petite vanne de SoFoot aussi, à quand un boulevard Sidney Govou à Lyon? Très bien. Juste on précise un dernier petit truc, demain il y a le ballon d'or, mais regarde pas comme ça Sandra. Demain il y a le ballon d'or. Après-demain. Demain, mardi. Ah non, c'est le 2 décembre. Mais si déjà vous arrivez pas à vous. Ouais, voilà. Et sur mon blog, normalement, si Micha réussit, on peut voter pour notre ballon d'or. Enfin, dans la mi 10 ou 11, je vais chercher. Direct. Ah bah tant mieux, Sandro. Ouais. Voilà. Bah, vas-y. Au moins, tu seras pas sur Facebook. C'est exactement. Et au moins, tu seras pas sur Facebook. C'est le cas de le dire. Par contre, ça va te faire chier parce que c'est mon tour de jeu Monopoly. Tu vas devoir attendre. Et bah, à propos du Monopoly, voilà, il y a des cadeaux pour Noël, le Monopoly PSG. Waouh. Ah, c'est sympa pour les fans du PSG. Franchement, je préfère encore le Monopoly en direct. Et il y a le Monopoly Anderlecht qui vient de sortir. Exactement. Le club belge. Pour ceux qui connaissent pas. Non, c'est l'équivalent du PSG. C'est le club de la capitale. Ouais. Oui, c'est vrai. Ah oui. En Belgique. Voilà, bon, sauf que nous, ils sont quand même dans les trois premiers. C'est tout pour les infos footballistiques de Larousse. Michael, le podcast. Bon, on ira faire un tour du côté du Polo Show tout à l'heure. On repassera le son de Hollywood Undead et puis on jouera à DJ Hero. Ça se passera tout à l'heure. Le temps maintenant de jouer. D'abord, à question pour une réponse avec Yaël qui est là. 30 ans du 64 à Bayonne. Salut Yaël. Salut. Comment Salut. Ça va? Ça va, ça va. Bon, bah tant mieux alors. Bon, Yaël, de l'autre côté, il y a Mickaël. Salut Mickaël. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Salut. Ça va? Ouais, ça va, ça va bien. Bon, bah tant mieux. Mickaël, 17 ans, toi du 77 d'Amarie-Ellis. Ouais. Tu joues avec qui, Mika? Avec Tov. Avec Tov, d'accord, ok, très bien. De l'autre côté, Yaël, tu veux jouer avec qui? Sandro. Mais pourquoi vous prenez Sandro? C'est incroyable. Bah, ils choisissent ce qu'ils veulent. Non, mais c'est pas ça le problème. C'est que le souci avec Sandro, c'est que elle n'est pas bonne déjà. Et quand elle perd, ce qui arrive tout le temps, en fait, ça nous flingue la dernière demi-heure parce qu'elle râle, elle tire la gueule jusqu'à la fin de l'émission. Ouais, mais là il y a le Monopoly, donc ça devrait aller. Ah ouais, c'est super. Ça. C'est-à-dire que si en plus elle perd en Monopoly, là, je pense que c'est. Mais non, mais depuis tout à l'heure, elle triche. Quoi? Ouais, tu triches partout. Il est malade, il a la rage parce que j'ai acheté rail. Comme question. Il est survénère. Bah c'est oui. Rappelons qu'il reste 160 euros. Ah. Oui. T'avais pas les moyens pour acheter rail, c'est trop cher pour toi. Ouais, mais l'euro est pauvre, son Monopoly. 161 euros. Waouh. Bon, allez, on y va. Question pour une réponse. Bonsoir à tous, installez-vous confortablement. Voici le rendez-vous incontournable des têtes bien faites et des cerveaux en folie. Question pour une réponse. Attention, ça va commencer. On monte le son. Allez, question pour une réponse. Je vous préviens juste avant de faire le jeu. S'il y en a un qui joue, je fous tout par terre. On joue pas? Non, je vous le préviens. Ils jouent pas, ils jouent déjà, ils vont pas faire deux jeux en même temps. Ouais, bon, on n'est pas à l'abri. Je vous préviens juste que si j'en grille un seul, je me lève, je fous tout par terre, rien à branler. Repérez où est-ce qu'il y a vos pions. Ouais, ouais, repérez, ouais, c'est ça. Ah, ouais. C'est bon, il y a 800 au milieu, 813. Bon, allez, on y va. Yaël, Mickaël, on va jouer maintenant. Yaël qui joue avec Sandro, Mickaël qui a décidé de jouer avec Tof. Attention, première question, vous êtes prêts? Prêt. Bon. Attention. Top, je suis né grâce à un groupe allemand nommé Beiersdorf et avec 17% de part de marché mondial, je suis le numéro 1. Yael. Yael. Je dirais Tokyo Hotel. Non, sans gros. Non, j'allais dire Tokyo Hotel. Non. Oui. Le vaccin de la grippe H1N1. Non. Dans ta salle de bain, en effet, grâce à moi, des millions de jeunes se sentent mieux et Tof peut sortir sans qu'on lui jette des cailloux. Je suis créé en 1911 par un certain Oscar, non pas mon oncle ni le sanglier du roi Lyon, mais Oscar Troplovitz et je signifie blanche comme neige en latin. Tof. Oui. Le dentifrice. Non. Je regroupe près de 13 marques. Ah. Et mes concurrents sont Mixa et Garnier. Je suis une belle Sandro crème pour les visages. Sandro, bonne réponse. Pour le sun ou encore pour le body en verlan, je veux dire Ivin. Et je suis donc Nivea. Bonne réponse pour Yaël et Sandro. Il est bon ce candidat là. Ouh là là là, redoutable. T'es en train de bouffer encore, Roux? Pas du tout. Non mais quand tu joues pas, c'est t'es en horrible. Train de bouffer. En plus je le sens jusqu'ici, ça a été atroce pour moi ce soir, ça se fait pas les gars. C'est pas comme vrai. Ouais, c'est ça. Il a flingué le truc. Non. Il n'y en a plus, c'est un hasard que je prenne la dernière. C'est ça, ouais. Bon allez, dernière deuxième question, vous êtes prêts? Oui, c'est bon. Attention. Top. Je suis une sorte d'art puisque je complète la longue liste d'arts comme le contemporain, le moderne ou encore l'armement. Je suis également tout vert ou violet. Non, je ne suis pas un extraterrestre. Sandro et mon nom est emprunté au mot arabe Al-Arswef signifiant l'épine de la terre. Mon corps est presque totalement comestible puisqu'en effet, mon cœur se mange. Sandro. Sandro. Artichaut. Bonne réponse. Oh la force. Dès que c'est de la bouffe, c'est bon. Ah ouais. Mon foin séché est également utilisé pour cailler le lait. Mes feuilles aussi se mangent, mais elles servent également pour diverses boissons apéritives. Le vrai nom de Christophe Maé me ressemble puisqu'il s'appelle Martichon. Alors enlevez le M et je pense que vous aurez trouvé. Je suis donc l'artichaut. Bravo Yaël. Ah, je m'incline devant le savoir et la connaissance. Mais tu te... Je vous en prie, je vous en prie. Faut pas te dire bravo à toi, Yaël, c'est ton équipe qui gagne. Ouais. Bah si, ils ont raison, faut s'encourager. Voilà. Bon, allez, dernière question, vous êtes prêts? Prêt. Attention, question contre triple. Bah non, arrête, ça allez, va. Allez, quadruple même. Ça peut te faire plaisir, ça sert à rien, mais ouais. Non, je sais, mais c'est juste pour Top, je suis né le 14 octobre 1978 et je suis d'origine haïtienne, comme mes confrères 50 Cent et Dr. Dre. Sandra. Sandro, Pocahontas. Non, je suis un chanteur, un danseur, un acteur, un auteur et demain, et enfin un producteur américain. Je Allez, sortez-en la musique très tôt, puisqu'à 14 ans, je suis découvert par un dirigeant Sandro. De... Sandro. Oui. Justin Bieber. Ah bah non, 79. Bieber. Bon, De La Face Records dans un concours de dans ma ville Sandro. D'Atlanta. Jared Leto. Non. Ville qui verra en 2007 et 2008. Yael. Eminem ? Non. Sandro. Mes deux enfants naîtres. Sandro. Lil Wayne. Non. Sandro. Kurt Cobain. Non. Sandro. 50 Cent. J'ai vendu près de 40 millions de disques dans le monde avec notamment des... j'ai rien dit. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai rien dit. Notamment des tubes tels que You Remind Me, Confessions ou encore le carton Yeah en trio avec Lil Jon et Ludacris. Je produis en ce moment un petit jeune nommé Justin. Top. Sandro! Sandro! Sandro! Sandro! Non, je l'ai dit avant. Non, mais c'est toi, pas lui. Trop Sandro! Usher! Usher, ouais. Et mon vrai nom, Justin Timberlake, né à Haïti, s'il te plaît. Raymond Terry. Voilà, je suis donc vraiment, Usher. Ouais. 3-0 pour Yael, bravo Yael. Oui, Sandro, bravo Sandro. Je tiens à porter une réclamation, c'est le roux qui a soufflé. Sur la vie de ma mère, non, quand t'as dit j'ai produit un petit jeune, j'ai su que c'était Usher. Ouais. Mais si j'avais soufflé. De toute façon, il y avait 2-0, qu'est-ce qui t'arrive? Si j'avais soufflé, tu serais tombé par terre. Parce que j'ai une haleine de poney. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, Yael et Mickaël, tu rentres et joues les mains vides, hein, t'as choisi le mauvais cheval. Ouais. Et puis Yael, tu as gagné, donc le tu pays revois. Basque en force. Tu vas directement au standard et tu repars surtout avec le téléphone portable, le LG Chocolate BL40. Chocolate, Sandro. Cool. Chocolate. Cool. Ouais. Merci beaucoup. Tu veux pas un téléphone au chocolat? Non, hein, j'ai déjà les cheveux chocolate. J'ai fait une teinture chocolate ce week-end. Wow, ah bon. Oui, personne n'avait remarqué, je sais. Enfin, j'attendais l'info qui sert à rien dans 3h44. C'est du chocolat noir. Mais ça se voit mal, hein. C'est du 94%. Non, c'est du chocolat, mais ça doit être l'éclairage qui fait ça. Ouais, ça doit être ça, ouais. On va dire ça. Ah, c'était plus clair avant, en fait, pas chier. Oui. Voilà. Avant c'était noir, c'est vrai. Non, avant c'était plus clair, Jack. Tu me regardes pas assez, hein. Je suis déçu. Non, pas à ce niveau-là. Non. C'était clair. Bon, allez, gros bisous tout le monde. Merci, bisous. À bientôt, ciao à vous, l'oreille. Bon, et on ira faire un tour chez Monsieur X dans quelques instants. Et puis, Sandro. Personne n'avait relevé, pourquoi tu me fais une vanne comme ça et tu vas à Nostalgie jusqu'à fin décembre. Ils voudront pas de moi là-bas. Oui, bah nous non plus, on verra. C'est drôle. Bon, donc voilà, je disais que nous jouerions dans un instant à DJ Hero. On ira faire un tour du côté de chez Monsieur X, on écoutera Hollywood Undead. Et puis, si vous voulez participer, bien évidemment, aux questions pour une réponse, vous pouvez vous inscrire dès maintenant, 612, débutez votre message par par énergie, avec ensuite QPR et votre numéro de téléphone. Merci d'avoir joué avec nous et à bientôt pour une nouvelle partie de questions pour une réponse. Mickaël, le podcast. Bon, Monsieur X, alors, est-ce que vous êtes là maintenant? Bah, moi, j'ai toujours été là. Ah, bon, bah alors, qu'est-ce qui vous arrive, X? Vous avez l'air dépité, là. Non, c'est rien de grave, je vous dis. Non, mais quand même, vous avez du mal à marcher, là, vous êtes tombé? Non, pas du tout, hein. Je crois que, limite, j'aurais préféré, hein. Bon, bah explique ce qui t'est arrivé, voilà. Alors. Bah, on va pas passer la nuit, dépêche-toi. La graisse, allez, Sandro, dépêche-toi. Là, la graisse, mais c'est lui, il traîne. Tu vois bien qu'il souffre, le pauvre. Merci, c'est gentil de vous inquiéter de mon état, vraiment. C'est... Oui, c'est ça. Bon, alors, qu'est-ce qui vous est arrivé, là? Vous avez fait la troisième mi-temps avec les Néo-Zélandais? Mais non, je suis allé à Cuba, vous savez, pour profiter de la promotion sur l'augmentation de la bite. Ah oui, c'est bien d'avoir un plus gros sexe, mais si vous pouvez pas vous en servir, aucun intérêt. Si vous saviez, plus de sexe pendant 6 semaines, la prochaine fois que je pourrais tremper mon biscuit, ce sera en 2010. Ah, donc t'as fait l'opération et tu dois plus te servir de ton sexe pendant 6 semaines. C'est ça, Alors, le problème, c'est que j'avais pas pris d'interprète. Alors bon, moi, je me suivais à un petit cul latino bien rebondi. Sauf que bon, j'ai explosé tous les points qui avaient sur la bite. Dégueulasse. Putain. Vous auriez vu ça, une vraie boucherie. Quelle horreur. Au début, j'ai cru que j'avais explosé la chatte avec mon marteau piqueur, mais en fait, c'est moi qui avais détruit mon bulldozer. Bon, et vous avez fait quoi alors? J'ai pris un interprète cette fois-là pour comprendre ce que me disait le médecin. Ah bah oui. Et donc, au lieu de 3 semaines sans mastiquer le poireau, je dois faire 3 semaines de plus. Parce que bon, je me suis vidé les couilles trop vite. J'ai l'idée de prendre que de parler que d'espagnol aussi, merde. Oui, vous attendiez à quoi? À Cuba, bon. Et vous faites comment alors? Je fais pas, hein, j'ai la bite dans la glace, 24 heures sur 24. La prochaine fois, vous réfléchirez avant de faire des opérations à la con, monsieur X. Oui, mais vous verrez dans 6 semaines, hein. que je serai redevenu quand je serai redevenu un vrai mâle. Hein. Vous verrez qu'elles seront toutes pendies à ma bite comme des mouches sur une mer. Non, ça suffit, monsieur X. Là, même au bord de la mort, vous êtes chiant et horrible et vulgaire. Dégueulasse. La gratuité. Si on peut même plus parler de mer dans votre émission, mais bon, bah allez, on va parler livres. Hein. Il y a des choses qui s'accommodent pas ensemble. Hein, ça sera assez intellectuel pour vous, ça, les livres. Oui. Enfin, on connaît vos lectures, monsieur X. Hein. Ah, vous allez voir, c'est une œuvre magnifique de Marc-Antoine, l'écrivain, pas l'empereur, hein, même. S'il connaissait bien, on en tous les deux. Bon, et il parle de quoi, ce livre? Ah ben, le livre s'appelle Liliane ou l'esclave consentante. Hein. Un magnifique roman qui raconte l'histoire de Liliane, forcément une femme de ménage, qui explique aussi bien les vases que les verges. Bon, et laissez-moi deviner, vous avez sélectionné un extrait? Mais exactement, hein. Maintenant, taisez-vous et laissez-vous bercer par les mots. Oui, enfin, par le bruit du cul. Je dis ce que je veux aussi, hein. Bon, allez-y. Dominique lui caressa l'autre sein, pendant que je libérais celui que je tenais. Je continuais par toucher son ventre, puis je descendis fouiller dans sa toison pubienne. Elle eut alors un mouvement de recul. Je fouillais doucement son sexe, touchais son clitoris. Puis glissait mon majeur dans son vagin. Oh. Elle était mouillée et semblait apprécier le traitement. Je quittais le sexe pour toucher ses fesses. Dominique en profita pour prendre possession de son sexe. Je plaçais mon majeur, encore un peu lubrifié, sur son anus et appuyais sur sa rondelle. Oh. Elle ondulait sous la caresse de Dominique. Je rejoignais mon fauteuil pour regarder la suite des événements. Liliane se tortillait sous les caresses de Dominique. Ses gros seins ondulaient au rythme de ses spasmes. Oh. Elle se mit à jouir en poussant de petits gémissements. Mais ce n'est que le début de l'histoire. Écoutez la suite, c'est d'une beauté, d'une prose magnifique. En fait, on n'en fait plus comme ça aujourd'hui. Ah ben, on se demande pourquoi. Ouais. Elle posa ses nichons sur le bureau. Oh. Et prit ses fesses avec ses mains. Sa rondelle palpitait. Oh. Dominique lui planta un... puis deux doigts dans le cul. Non, bon, ça ira, monsieur X. C'est gentil, merci d'être venu. Hein. On va pas aller plus loin, ça ne sert à rien. Il a pistonné quelques instants. Non, ça ne sert à rien, j'ai dit. J'ai dit que ça ne servait à rien. Puis elle m'approcha de l'œillet de Liliane. Je me mis à pousser. Ah, j'ai mal, doucement, monsieur. Dominique bloqua ma poussée avec sa main, Vous n'arrivez plus, vous n'y arrivez plus. C'est pas excitation, lire. Pardon. Ouais, c'est elle ça. Elle desserra progressivement les crânes pour continuer ma progression. Ouais, c'est ça. Le gland passa le sphincter. Bon, ça ira. La progression se fit plus. Allez, au revoir, monsieur X. Merci d'être venu. Comme d'habitude, c'était mauvais. Vous reviendrez la semaine prochaine si je le veux. Écoutez, c'est dommage parce qu'on arrive vraiment sur le moment fatidique. Ah, ça fait bien longtemps que le moment fatidique est passé. Voilà, c'est malheureux. Très bien. Allez, au revoir, monsieur X. J'imagine que demain vous faites quelque chose. Enfin, là, aujourd'hui déjà, vous faites quelque chose pour la journée mondiale contre le sida. Vous distribuez des capotes partout. Je fais un vœu d'abstinence demain. Ah oui, c'est vrai, merde, c'est vrai. Vous avez votre bordel là qui est pété là. Je dois attendre encore 5 semaines. Bah, 5 semaines, ouais. Bon, bah, très bien. Bon, bah, bon courage, on monsieur X. Je vous souhaite une bonne fête. Je vous remercie de même. Allez, au revoir, vous monsieur X. N'hésitez pas, je vous amènerai ma bougie une fois qu'elle sera réparée. Génial. Oh. Allez, au revoir, monsieur X. Hein. Bonne soirée. Quelle fatigue. Et puis il est con en plus. Hein. Oui, en plus il est con. Des fois on lui parle comme ça en dehors de l'émission, il est très con. Non, mais c'est surtout que c'est toujours la même chose. Oui. C'est toujours la même chose. Bite. C'est vraiment fatigant. Enfin, soit. Michael, le podcast. Et ce qui arrive maintenant depuis Wallow Show? Tel un rocher, j'arrive dans la gueule des gens. C'est avec un bonnet. Ouais, bah oui. Ah bah c'est bien. Ouais, on y va. Apollo, c'est l'Apollo Show, dans l'émission de merde, hein, espèce de gros pédoncule, Apollo Show. C'était top, en fait. Ah, oui, bienvenue dans l'Apollo Show, j'espère que tout le monde va bien. Ce week-end a été triste, je vous ai pas vu samedi et dimanche, ça m'a fait... J'ai eu une larme à l'œil hier. Non, en fait, j'en ai rien à foutre de votre gueule. Le public est là! Il est là, nombreux! Michel est au standard où il travaille, telle la fée Clochette afin de remplir ce standard. Tout le monde est là. Il est là. Paul est là. Il surveille. Paul, il surveille mon travail. Il me dit après, est-ce que c'était bien, c'est pas bien. Débrief. Et ça me fait plaisir. C'est un peu le Fredo de l'an 2010, quoi. C'est ça. C'est, on peut dire ça. Alors, on va commencer avec le premier auditeur qui est là. Ah, bah oui, ça m'étonnait aussi. Oh là là. Toi, tu m'as pas manqué. Pourquoi tu comptes pas Fredo du bac, là? Quoi? Quoi? Polo, je fais ma deuxième semaine à New York. Eh bah c'est bien ça, monsieur. Oh, qu'est-ce que t'es gris alors? Mais non, mais je te dis que c'est bien. Tu veux que je quoi? Tu veux que je vienne à New York et que je te fasse une gâterie? Oh, certainement pas. Et bon, bah alors. Polo. Quoi? Mais tu sais quoi, ça sonne à ma porte à New York. Ah bah c'est bien ça. Oh là là, ça change. Eh bah tu veux ouvrir, monsieur? Bah non, j'ai pas ouvert. Monsieur. Quoi? Oui, quoi? Ça sonne à la porte, ma porte a sonné, ça sonne à New York, je vais sauter par la fenêtre. Bon, qu'est-ce que tu veux? Polo. Quoi? Bah, tu sais, j'ai marché ce week-end. Ah bah c'est bien, monsieur. J'ai été dans le... Ah, tu m'as saoulé. Public, qu'est-ce que je fais de ce... Qu'est-ce que j'en fais, public? Qu'est-ce que j'en fais? Quoi? Quoi? Monsieur, je vous jette dans l'Hudson. Tel un albatros, vous êtes banni. Bon, allez, dégage. Un petit peu de pub et on se retrouve juste après. En fait, je l'ai raconté vraiment. Guitar Hero. Après Band Hero, découvre le nouveau jeu vidéo qui va égayer tes soirées entre potes. Cornemuse Hero. Retrouve tous les charmes du Pays de Galles, souffle ton haleine pleine de whisky dans une cornemuse plus vraie que nature et suis les indications à l'écran. Toi aussi, deviens une star de la cornemuse et impressionne tes amis grâce à Cornemuse Hero sur Xbox. Salut, c'est Thomas VDB et vous écoutez actuellement le Polo Show, l'émission avec le titre le plus ridicule de toute l'histoire de la radio française. Merci à Thomas VDB pour cette petite gentillesse. J'aime bien la cornemuse, qu'est-ce que vous avez contre la cornemuse? C'est sympa comme instrument. Bon, qui est là? Bijoux. Bonjour. Bijoux, c'est Gifrisois. Salut, je suis artiste en couscous. Ouais. Je livre également le couscous en express. D'accord. C'est-à-dire que si tu me dis couscous maintenant, j'arrive. D'accord. Voilà. Bah merci. Il est mauvais. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise exactement? Faire la publicité du restaurant. D'accord. Ah voilà, si tu dis couscous, bah j'arrive tout de suite. D'accord. Et ben merci, voilà. Monsieur Jissitois. J'y suis soi. Frissois. Suisse. Comme un Suisse. Frissois Feldman. Quoi? Frissois Feldman. Mec, t'es en train de t'enfoncer là, J'y suis soi là. J'y Frissois, tu comprends pas? Jean-François. Voilà. Ah. C'est exactement ce que je viens de dire. De quoi? C'est exactement ce que je viens de dire. C'est comme je t'ai dit, si tu dis couscous, c'est là j'arrive. Tu parles pas très bien. Tu m'énerves, hein. Non, mais tu parles pas très bien, t'as dit. Calme. Je suis toi. Non, t'es Frissois. Tu comprends pas, Tico, c'est pas mon problème, hein. Bon, le couscous. Chut, hop. Bon, allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Tu te tais. Casse-toi. Qui est là? Un autre de UTR, voilà, s'il veut bien se... Ah, Polo. Oui. Ouais, Polo. C'est qui? C'est Jean-Charles. Qu'est-ce que tu veux, Jean-Charles? Bah, en fait, j'ai monté un petit groupe. Ouais. C'est pas du lycée. T'as pas mué, toi? Non. Ou alors, tu parles en te serrant les couilles. Très fort. Attends. Bon, vas-y. Ouais, en fait, je t'appelle, donc on a monté un petit groupe. Attends deux secondes, excuse-moi. Hé, le public. Tu fais quoi, là, exactement, là? Tu t'en vas, comme ça, tu crois que t'es chez toi? Le public est sorti, comme un seul homme. Bon, vas-y, qu'est-ce que tu veux, le... Ouais, donc, ouais, en fait, je t'appelle, parce qu'on a monté un petit groupe de hard rock. Ouais. Ouais, et en fait, je voulais savoir, si c'est possible, tu passes des morceaux. Non. Ah bon, mais pourquoi? Non, parce que c'est pas possible, je peux pas passer ta merde. Mais c'est vachement bien, ce qu'on fait. Non, c'est de la merde, allez, casse-toi. C'est entre les bébés brûlés et les plastiques. Ouais, bah tu vas retourner avec eux, c'est-à-dire dans les oubliettes de la musique. Allez, casse-toi. Qui est là? Garde patience. Le Polo Show va bientôt se terminer. H-5 secondes. Et pour terminer ce Polo Show en beauté, avec une fin de standard, qui est là? Oui, c'est Gilles-Louis. Ah, salut Gilles-Louis. Oui, dis-moi, mon cousin, il est pas plus que moi en ce moment. D'accord, bon, qu'est-ce que tu veux, Gilles-Louis? Vas-y, fais vite. Bon, dis-moi, tu diras déjà au réalisateur qui m'a coupé la gueule, moi je n'aime pas ça, d'accord? D'accord. Mais vas-y! Mais il l'a recoupé, là. Bon, Gilles-Louis dit, elle est bonne, celle-là. Bon, vas-y, qu'est-ce que tu veux? Gilles-Louis dit, oui, en fait, j'ai une entreprise de Tagine Express. Je m'en fous, allez, casse-toi. Qui est là, notre leader? Allô? Ouais. C'est Bibi. Qui? C'est Bibi. Qu'est-ce que tu veux, Bibi? Parler à Michael. Bibi, c'est-à-dire tout doucement, c'est ça? Tout doucement. J'ai envoyé un message à Michael. Je m'en fous, Bibi, je m'en fous. Il n'a pas répondu. Bah c'est bien. Bah continue à envoyer des messages. Sorte qu'il me réponde. Non, je m'en fous, allez, casse-toi. Ah oui, ça va reprendre monsieur. Ainsi s'achève le Polo Show. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Roux? Je sais pas. Pourquoi tu t'interviens comme ça T'as un problème toi mon pote. Tu es dans ta poubelle là, il arrive. Ah bah écoute, je suis pire que dans ma poubelle, je suis dans mon vomi là. Oui, bah tu devrais aller dans ton sac hein. Pour en pisser dedans, tu vas faire quoi. C'est quand ouf. A besoin de faire des besoins, nous on va pisser. Eh bah on n'a pas tous des toilettes. Voilà, ouf, fait caca et pisse dans son sac. Voilà, eh bah, c'est ouais. Dit. Voilà, c'est dit, c'est fait. Voilà, hop. Allez hop. Très bien. C'est terminé. On ferme la marfait. Oui, on va fermer, j'ai mal à la gorge. On ferme la marfait. On ferme la parfait, j'ai dit. On ferme là. C'est ça le problème, c'est que j'ai plus envie de faire de la radio, tu joues tellement au Monopoly. Non mais parfait, maintenant à ce moment-là, ça m'a paru bizarre. Oui, hein. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est comme un pilote de ligne dans un avion, il prend les décisions et tu peux trouver des trucs bizarres, mais il le fait. On est dans la F-147 alors. Voilà. On est mal parti. Et hop, que on va pas arriver. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Bon, on se retrouve demain à partir de 21h, en pleine forme, du moins je l'espère. Et non. Puis, qu'est-ce qu'il y a, Polo? Je sais pas. Non, non, je t'écoute. Non, j'imite Paul, le stagiaire. Ah bah oui, bah c'est normal. Très bien. Mickaël, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr.